On n'a pas Je commencé, rigole. ça a vraiment commencé, c'est pas des blagues. D'accord. On est trop dit. Bah non. Un petit pel, ça va pas le faire non Ah plus. bah oui, Hein. bah, forcément, il y a pel qui robot, ça a commencé, c'est obligé. Voilà. Ah oui, bah oui. Ça marche tout le Ça y temps est, comme je ça. robote déjà là. Bah oui. Ne le Ah, présente puis pas en bien tant comme que il pel, faut. je laisse un Présente-le peu hein. en tant que Nono, Nono, le petit robot. je laisse un peu le temps que les gens entendent conneries que vous dites pendant qu'on est en off. Ah mais C'est pas moi, j'ai rien fait. Ah merde, on est en direct apparemment. Mais oui, on est vrai. Non, mais quand j'ai dit que j'ai cliqué sur J'ai commencer, rien on a commencé. fait. Non mais on va peut-être se calmer puis peut-être commencer, non, je sais pas. Oh C'est non. dans 30 secondes, ça va encore chanter du Claude François comme tout à l'heure et bon. Alors voilà, pour le bien de la VOD, j'ai mis une chaîne d'attente et puis comme ça tu pourras Oui, télécharger j'ai. que au début. Hein. Il faut attendre que tout notre public arrive, c'est-à-dire. Le Cap Silver est Fury et il manque Fury. Ah non, mais s'il est là dans le coin, bon, voilà. C'est bon, on peut commencer. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça va Alors, commencer. bonsoir et bienvenue pour ce 23e numéro du podcast du collectionneur. Ah, le podcast est aussi vieux que moi, pardon. Tu as donc 23 éditions du podcast. Et oui, effectivement. Tu ouais, étais ouais. né le jour de la première édition. Très bien. Et oui. Et ce soir, attention, un super podcast de grosse qualité avec donc une interface pour voir qui, quand parle, où. Voilà. Ah ça, ouais, c'est bah là nouveau. J'ai sorti la max. Hein. Je Attention. Ah ouais. Voilà, c'est assez un petit peu exceptionnel ouais, suite aux disponibilités de chacun. On fait ça exceptionnellement ce soir, Aïe. Un mercredi. Sachant qu'on n'a pas fait la semaine dernière parce que la SGDQ nous a demandé gentiment est-ce que vous pouvez pas le faire? On aimerait qu'il y ait des gens sur notre stream jeudi soir, donc on a dit ok, d'accord. Ouais, c'est pour vous C'est leur bien faire parce que c'est plaisir. la charité, parce que sinon, voilà. Et sachant aussi que cette semaine, bon, on a des choses à dire, mais on n'a pas préparé grand-chose. Mais on va y aller. Non, mais il faut pas le dire, ça. Les gens, ils se doutent. Mais non, mais ah, ils vont bien le voir. Non, mais on aurait pu faire illusion. Et là, crac. Non, mais non. Non. Mais de toute manière, soyons sérieux, on va juste recycler ce qu'on n'a pas réussi à dire l'autre fois. Mais tout simplement. De toute façon, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et oui, c'est pas comment on s'excuser avant que. Ah, mais on s'excuse pas, on assume. Mais si, Chouï s'excuse déjà. Ah non. Désolé, mais pas de rien. C'est trop dissipé ce soir. Ah, trouve. Attends Fury, donc... j'ai ce qu'il te faut. Voilà. Et donc sur le coup, on va pouvoir parler de pas mal d'actualités de cette semaine. Et déjà, bon, pour commencer, je pense que ce qui parle beaucoup, ce qui fait beaucoup parler les gens, couler beaucoup d'encre, énerver des gens et casser les touches F5 cette semaine, la tournée triomphale de Céline Dion en France. Non, ouais. Les réservations des produits Nintendo que Nintendo va nous allouer donc en quantité phénoménale à la fin de l'année. Ah. À savoir la Super NES Mini et le fameux collector pour Metroid sur 3DS. C'est ça. On pourrait même étendre à leurs amiibo, mais on ne le fera pas. Parce que les amiibo, en vrai, on ne sait pas encore. Et si ça se trouve, ils ont trouvé le moyen d'en fabriquer suffisamment. Il y en a déjà qui les revendent à prix d'or. Tout ce qui est, j'ai l'impression, un peu hors du commun, tu vois, collector ou autre, j'ai l'impression que Nintendo, ils ont pas envie de les vendre. Non, mais même pas collector, hein, tu sais, le Metroid normal, il est pas collector, hein, le jeu normal. Ouais, mais tu peux le préco, ils là. Ont pas envie enfin, de tu peux l'acheter plus, si tu veux, celui-là, je me pose pas de soucis. Mais la question, c'est, est-ce que... le collector est vraiment si demandé que ça? Ou est-ce que sur les 1500 exemplaires qui seraient alloués à la France, encore une fois, il y en a 1000 qui vont partir dans les mains des revendeurs? Bah, il y en a déjà plein qui ont déjà prévu d'en acheter 2-3, effectivement. Honnêtement, ils s'en cachent pas. Hein. Honnêtement, j'ai regardé, je vais faire un parallèle. Donc, parallèle SNES Mini Metroid, il y a très très peu quand même de collector Metroid. J'ai l'impression quand même que les gens ont essayé de l'avoir pour eux. Oui, mais sur en même eBay. Temps, il y a eu quand même une pétition qui a circulé pour demander à Nintendo. Et le truc, c'est que la pétition, ben, elle n'a pas réuni beaucoup de signatures au final. Ouais. Mais ça veut rien dire. Les gens n'étaient peut-être pas au courant. Ça veut rien dire. Le truc, c'est que. Bah, ça veut rien dire. Moi, une pétition comme ça, je la vois, ça me fait doucement marrer. Je ne l'ai pas signée, alors que pourtant, je suis le premier à râler voilà. parce que j'ai bah, pas pu qu'on, parce qu'on sait que la pétition Nintendo va se torcher. Salut, Jolulu. C'est le jeu. Et je pense. Je pense que, honnêtement. Oui, vas-y, dis. Oui, non, parce que moi, la question, c'est savoir justement si 1500, tu voulais savoir si ça pouvait contenter tous les demandeurs potentiels de Metroid. Mais oui. Honnêtement, je pense qu'il y a énormément plus de fans en France, en Occident, que ce que Nintendo pouvait le supposer, quoi. Ils se sont basés simplement sur l'échec du dernier épisode Metroid Federation of Force, et puis voilà. Ouais, non, mais en même temps, c'est de la mauvaise foi. Federation of Force, ils ne l'ont pas vendu. Ils ont fait n'importe quoi avec. Et là, c'est de leur faute. Bien sûr. Et en plus, c'était un spin-off. C'était même pas. C'est même pas un jeu majeur, quoi. Donc voilà. Non, mais ça veut dire que Nintendo. Pour pas s'apercevoir que les gens demandent du Metroid. Et beaucoup de gens demandent du Metroid. Là, ils sortent un jeu, 1500 pièces. Il y a toujours beaucoup de gens qui ont demandé du Metroid, mais ils n'en ont jamais vendu beaucoup. Oui, ça c'est vrai. C'était le problème. Ouais, mais bon, après tu mets ça en parallèle avec la NES Mini, avec la Super NES Mini. Mais ils en ont toujours vendu plus que 2000 quand même. Oui, là, 1500 ou même 25 000 pièces pour le jeu normal. Mais ouais, clairement, mais les Metroid. Parce que les Metroid Prime, ils ont quand même fonctionné. C'est pour ça que je trouve ça incompréhensible. Ils savent que les gens veulent du Metroid. Mettre en toute petite quantité. Il faut raison garder. Le Metroid Prime qui s'est le plus vendu, c'est le premier à 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Et au total, il a dû se vendre quoi ? Bon, je vais peut-être raconter une connerie, mais genre 4 millions d'exemplaires de tous les Metroid confondus, ou 5 millions, c'est moins que le Mario Kart le moins bien vendu. Bah oui, voilà. Donc, toute proportion gardée, tout le monde veut du Metroid, oui, mais personne l'achète. Mais c'est ce que disait. Exactement, oui, exactement. Exactement. Et d'autant plus qu'il y a quand même des signes contradictoires avec cette version 3DS. Le fait qu'elle ait jamais été annoncée à l'avance. C'est vrai que la GameCube, il s'en est pas voulu. Il nous la pendent comme ça. Le fait qu'il délocalise ça à une équipe qui est quand même pas connue pour avoir fait que des jeux fantastiques. Bah, ils ont fait les derniers Castlevania. Ouais. Mercury Steam. Ouais, mais leur boulot sur console portable, honnêtement, c'est le Castlevania, justement, comme tu dis. Celui-là, il était pas ouf. Hein. Moi, je me méfie de Mercury Steam. Je n'ai pas été convaincu par après, ce que j'ai vu leur vision de Castlevania. Après, il faut voir ce que ça donne sur Metroid. Pour moi, c'était cool, hein, franchement. Je suis pas fan de la 3D vue de côté, là. Mais après, en termes de jeu, ça a l'air cool. Mais je ne l'ai pas fait. Ça aurait été sympa. Enfin, finalement, le truc, c'est que Nintendo a réussi à souffler le chaud et le froid en absolument très peu de temps en présentant un remake de Metroid 2 avec la plus belle collector qu'on pouvait rêver pour l'Europe. Ah bah oui, franchement, difficile de faire mieux. Hein. Et juste en suivant, nous dire « Ouais, mais c'est bien, mais vous l'aurez pas tous. » Mais c'est comme d'habitude, c'est Nintendo qui fait du Nintendo, les gars. Et puis Nintendo, SNES Mini, alors sorti de nulle part, pas trop, je pense que. Non, tout le monde savait. Mais vous allez voir, vous allez tous la vouloir, mais elle sera en vente que cette année. Ouais, non, mais en plus, ils ont quand même dit qu'ils allaient en mettre plus de stock. Ouais. Actuellement, je vois pas où, parce que c'est toujours la misère pour l'obtenir. Mais puis tu dis le plus beau collector, c'est vrai que les autres pays, enfin les autres continents, je veux dire, ils sont pas gâtés, hein, ils ont pas eu de cette qualité. Non, mais au final, nous, on a un collector à 80 euros, un collector loin d'être dégueulasse, mais ça reste un collector à 80 euros. On parle pas d'un collector à 200 ou 300 euros, avec numérotation et tout. Là, tu peux comprendre, c'est pas beaucoup. Les Américains se sont jetés dessus, quoi. Aussi. Non, mais ils sont jetés sur un jeu qui est zoné. Alors complètement oui, mais c'est clair, ils se sont jetés. Mais pour avoir l'objet, juste pour avoir l'objet, déjà, moi je serais capable de le faire. Ensuite, désolé, une 3DS de nos jours, ça va, c'est pas compliqué. J'ai aucune idée de comment ça marche. Non, c'est pas compliqué. Ok. Mais moi, rien que pour avoir des objets, même sans pouvoir jouer à un jeu, j'aurais fait. Bah tiens, j'ai acheté la collector. Vous vous souvenez le Megaman avec l'amiibo doré là sur. Qui était sur DS, 3DS. Je l'ai acheté alors que je pouvais pas jouer au jeu à l'époque. On a aussi acheté Box Boy. Ouais. Ah, Box Boy, mais là, là elle était déjà désonnée, ma console, donc ça me posait pas de soucis. Et après. Mais c'est une politique que je. Je pense qu'il a raison quand il dit qu'il faut absolument pas de stock, jamais nulle part, ça coûte du pognon. Oui. Donc je pense que c'est ça, mais là il sous-estime, je pense quand même. Mais non, mais il y a aussi autre chose. Ils se disent aussi que d'un terme d'image, avoir un truc qui est sur les étagères et qui se vend pas, c'est pas bon. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas bon. Mais le problème, c'est un truc que je dis depuis un certain moment, et je pense qu'à un moment donné, s'ils veulent ne faire rager personne, il va falloir qu'ils s'y tiennent. À savoir, vous dites, voilà, bon, il y a l'édition normale, vous l'aurez en magasin, vous ne nous faites pas chier. Par contre, pour les collectors, l'éditeur ou le développeur du jeu vend ça directement via son site. Après, ils se démerdent pour faire expédier ça via Dieu seul sait quoi, c'est pas le problème. Mais au moins, ils savent combien ils vont en vendre. Et après, ils se disent, de ce qu'on a vendu via le site, allez, on en produit 10%, 15% plus. Et là, c'est les exemplaires qui vont atterrir en magasin. Bah, y a... Et après, bah, après, si tu l'as pas pris via le site, bah, tu te démerdes pour l'avoir en magasin. Et au moins, bah, bien sûr, tu auras toujours des gens pour râler, mais tu en auras quand même beaucoup moins. La collector d'Undertale, c'est ce qu'ils font en fait. Là. Ouais. Ils ont ouvert un truc, ils ont dit si vous voulez le jeu, mettez-vous sur cette liste d'attente et précisez la console ou PC sur lequel vous voulez cette collector. Et en fait, à un moment, ils vont couper, ils vont regarder combien ils en ont fait, ils vont les produire et c'est parti. Et ça va être parti quoi. Et par contre, ceux qui n'ont sont pas passés par le site n'auront jamais cette collector. Okay. Il faut aussi penser une chose, c'est que les dernières collectors Nintendo qui soi-disant étaient introuvables, je pense à la collector de Zelda sur Switch et plus récemment à la Fire Emblem Echoes, c'était censé être des collectors introuvables, impossibles à choper, tout le monde ne serait pas servi, tout le monde s'est jeté dessus. Et puis, ouais. Une semaine, deux semaines après la sortie du jeu, on a commencé à voir des collecteurs apparaître dans les magasins. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. Au final, le collecteur de Zelda, si tu l'as voulu, tu l'as eu, il n'y a pas de problème. Hein. On a eu le même cas pour Fire Emblem. Pour répondre à jeu le 2 Fire Emblem Fate, ils n'ont pas fait. Hein. Pas pour Fate. Fate, c'est plus compliqué. Ouais, Fate, ouais. Echoes, c'est ce qui se passe. Echoes, soi-disant, là, le clerc avec 80 pièces, les annulations de commandes, tout ce que tu veux, Echoes, il est dispo partout aujourd'hui. Pour répondre à jeu le 2, effectivement, en faisant ce que j'ai dit tout à l'heure, on se met tous les revendeurs des magasins à dos. Mais de toute façon, avec ce qu'ils font, ils se mettent aussi les revendeurs à dos. Et ils se mettent aussi les petits magasins indépendants à dos, qui eux n'auront sans doute surtout aucune... les petits magasins indépendants. Quand, voilà. Quand Auchan, ils t'annoncent qu'ils avaient combien 15 exemplaires. Non, c'était combien? C'était 85. Voilà, 85 donc, exemplaires donc, bon, pour toute la France, quoi. Et doivent, c'est Auchan, quoi, bordel. Ils doivent pas être bien non plus, ceux-là. Donc, c'est vrai que la blague, c'est de... 2 minutes de préco chez Auchan, 1 minute montre en main chez Micromania. C'était lesquels? C'était pas la préco Cultura où aucun de nous, enfin ceux qui voulaient le collector à ce moment-là, aucun de nous n'a réussi à afficher la page. C'était c'est Cultura, possible, je crois. Ouais. Alors, Icoman, il dit un truc, par contre, effectivement, si ce truc est vraiment limité à 1500 exemplaires, qu'il n'y en a pas pour tout le monde, là, on pourra parler d'un vrai collector. Ouais. C'est pas faux. Mais je pense que c'est pas, comment dire, je sais plus, je vais reprendre les mots de quelqu'un tout à l'heure, je sais plus qui les a dit, mais on parle pas d'un truc avec une statuette de 30 cm de haut, numérotée à la main, qui coûte 300 balles, tu vois, ça justifie pas une telle rareté là, ce qu'il y a dans le contenu. C'est cool, c'est super cool. Mais de là à justifier une telle rareté, je suis pas sûr. Ah, le meilleur exemple, c'est l'Assassin's Creed limité. Ah bah ça, ouais. À 800 euros, 800 euros, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors justement, le collector Metroid, il est pas hors de prix non plus. Il est super abordable. Mais c'est justement ça le problème. Il est super abordable, mais tu peux pas l'acheter. Alors après, il y a eu un phénomène que... Bon, on va en parler après pour la SNES Mini. Mais bon, il y a eu le phénomène avec la NES Mini du... Bon, allez... On va rester dans politiquement correct, on va dire des gens qui achètent des choses pour les revendre plus cher. Principe même du capitalisme. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les collecteurs, c'est un peu moins marqué que les collecteurs, mais surtout avec les Super NES Mini, c'est que les revendeurs qui mettaient des annonces eBay, Nintendo a fait pression sur eBay pour qu'eBay strike les annonces automatiquement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler alors, de ça. Alors oui, en fait. J'ai vu ça, et là je me suis un petit peu énervé, parce que là, eBay, ils veulent se donner le rôle gentil des gens qui luttent contre le marché noir. Alors que c'est les premiers à participer. Bah lol, en plus, ils ont encore des mecs qui vendent des piles, et là je dis bien des piles de NES Mini. C'est-à-dire, tu vois des mecs qui ont des photos sur eBay, et qui disent, voilà, je vends des NES Mini, 300 euros pièce, et le mec, il a un tas de 40 cartons. Tous les collecteurs possibles et imaginables aussi. Ouais. Attention, Moa, il y a un phénomène aussi qui date de cette semaine. Voilà. Il y a des NES Mini pirates qui commencent à circuler. Oui, donc, j'ai vu ça, oui, ouais. Tout à l'heure. Alors, pour ceux qui n'en ont pas et qui en veulent une absolument, faites gaffe, hein, sans déconner. Faites gaffe parce qu'on est très proche. Vraiment très proche. Ah oui, à part, honnêtement, à part le bandeau où c'est marqué Nintendo Entertainment System, à part ça, et 2-3 autres détails que si tu fais pas gaffe... Mais ça commence à être du niveau des copies des jeux 3DS, par exemple, pour voir la différence. D'accord, ouais. Okay. Après, attention, je me dis que si c'est la première génération de copies qui commence à arriver, les Chinois, généralement, sont fainéants pour ce genre de choses. À savoir que le numéro de série se fera sans doute identique. Donc, j'espère me tromper, mais si pour le coup c'est ça, il suffira de jeter un rapide coup sur Internet, et si vous envoyez une popée en magasin, vous regardez le numéro de série et vous reposez ça tranquille et vous prenez pas de risque. Ils faisaient ça à un moment donné avec des guitares très haut de gamme, les Chinois. Et à part deux détails, tu voyais pas la différence. Le mec qui s'y connaissait pas trop, il voyait ça, la banane, il la prenait. Et eBay, ouais, ils ont d'autant plus Wando que justement, ils laissent vendre sur leur site des contrefaçons de jeux Super Nintendo, par exemple, des reproductions. Ah oui, je rappelle que c'est interdit d'un point de vue légal, ils n'ont pas le droit. Et ça fait également, depuis qu'ils existent, qu'eBay laisse la revente donc, des places de concert, notamment, où c'est marqué sur le billet, c'est interdit de la revendre plus cher que la valeur de façade. Depuis le début, ça les dérange absolument pas. Donc là, sortir, arriver comme le chevalier blanc, et nous dire on arrête les annonces Super FMI, c'est quoi? Non, c'est moi. Là, j'ai pas fait ça, j'ai pas pensé. Je m'excuse pour une annonce qui n'a rien à voir avec le podcast. Je modifie. Excusez-moi. Et donc voilà, c'est, je veux dire, on se dit eBay qui se donne le bon rôle dans l'histoire, lolilol quand même. Ah, enfin, totalement. Voilà, ce serait un peu comme si le bon coin, ils se disent, mais vous avez vu, nous, on est plus éthique que les autres, s'il te plaît. Bien sûr. Après, ce qui se passe pour la Super NES Mini, c'est que quand même, il y a des vendeurs qui font n'importe quoi, comme Amazon, où on peut en commander 10 sur Amazon, apparemment, ça ne pose pas trop de problème. Non. Je ne sais pas. De limitation. Par contre, Micromania, notamment, insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y aura qu'un exemplaire par compte Micromania. D'accord. Je le dis, même pour ceux qui ont réservé en magasin, parce que personnellement, j'en ai réservé 2 en magasin, avec à compte, non. Et j'ai eu un appel de mon magasin qui m'a dit, non, monsieur, c'est une seule par compte Micromania. On nous dit que c'était une erreur apparemment sur Amazon et c'est une maximum, d'accord. D'accord. Ben, c'est bien, il vaut mieux, oui, que ça limite à heure, parce que... Ah bah oui, clairement. Voilà. Moi, c'est pour le fun, comme j'ai dit, c'est pour en garder Après, sachant qu'on peut partager à 3 un compte Amazon Premium, tu mets 2 autres proches dans la confidence, voilà, et puis au final, t'en as 3, quoi. Bon, certes, on n'a pas 10, mais voilà. Mais normalement, pour la Super Nintendo Mini, on espère, les stocks devraient être supérieur à ce qui s'est passé avec la NES Mini. Il n'y aura déjà pas la bataille pour la seconde manette. Annoncé à 160 000 en France. Même si l'engouement est quand même nettement plus important, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Elle est autrement plus populaire que la NES. Hein. La Super NES, c'est normal. C'est normal. Ouais. Je trouve que l'engouement est sans commune mesure. C'est simple. Pour moi, il y a deux choses. Premièrement, le fait qu'on a vu ce qui se passe avec la NES Mini, et qu'on sait que ça va faire pas avec la SNES Mini puisqu'ils l'ont annoncé, et du coup les gens se disent « Ah ouais, mais enfin, c'est maintenant ou jamais, quoi. » Et en plus, le choix des jeux, ils ont choisi des jeux qui... Et les jeux qu'ils ont choisi. Donnent envie, quoi. Ouais, c'est clair. Ça met tout le monde d'accord. Ah bah oui. Ouais. Bon, jeux... après, ça manque de shoot'em up pour moi, mais les jeux sont très bien. Ouais, enfin moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis aussi... Il y a quoi? Il y a 21 jeux, c'est ça? 21 jeux. Mais on sait que c'est pas final, à cause de la place. C'est à non, cause mais bien de sûr. La puissance de la console. Pardon. Oui, c'est ça. Non, mais totalement. Donc, c'est totalement ça. Mais au final, on est bien d'accord, Star Fox 2, c'est un jeu que Nintendo nous a dit pendant 20 ans. Le jeu n'était pas terminé de toute façon. C'est pour ça que j'ai hâte de voir. Je suis curieux de voir quelle version ils vont nous mettre. Et là, je me dis, si c'est une version qu'ils auront pompé sur Emu Paradise, chose qu'ils nous ont fait avec Star Fox 2. Star Fox 2, le jeu est finalisé, le jeu était totalement terminé, c'est Nintendo qui a fait le choix de ne pas le sortir. Et la version qu'on va avoir, c'est une version à laquelle on n'a jamais joué. C'est le programmeur principal d'Argonaut qui avait cette version chez lui, et a priori, ça a été racheté par Nintendo donc pour l'inclure dans D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de développeurs d'Argonaut qui n'étaient même pas au courant et qui ont appris ça Donc on est bien d'accord, ce sera pas la version où ça, c'est moche, par contre. L'affiche et le mode debug. Oui, totalement, oui, c'est totalement moche. Ça, en fait, il y a que le type principal, en fait, le patron d'Argonaut qui est au courant, et tous les collaborateurs, ils ont appris ça. Quand c'est sorti. Ouais. Après, pour les autres jeux, bon, je pense que t'as, à mon avis, le principal attrait de la console, qui est Street 2 Turbo. Là, on est d'accord, c'est le truc à deux manettes. Tu peux pas passer à côté, c'est impossible. Oui, après, je comprends pas pourquoi ils ont mis le Turbo et pas le Super. Alors que non, le Super. Mais non. Enfin, en Europe aussi, hein. Nous, on a Street Fighter 2 Turbo, et au Japon, ils ont Super Street Fighter. Ils ont Super. C'est débile. Ils ont Super. Bah oui. Ils Super 2, il est pas génial hein, sur SNES, faut quand même l'avouer. Bah, en fait, je suis très nul en Street Fighter. Je crois qu'on a la dernière version, nous, c'est ça hein? Non, on a le Street Fighter de Turbo. C'est le prime, si tu veux. C'est la version avec les boss. Exact. Bah. Et celui avec les New Challengers, c'est pour les Japonais. En plus, voilà. Avec Camille. Camille fait Long Hawk et. En fait, Super Street 2, on va dire que c'est un 2X. Ok, c'est ça. Quasiment. Bon, ouais. On s'en fout, nous, après tout, on y joue sur Switch. Oui, voilà. Oui. C'est vrai. Je viens de réfléchir, Capcom nous trouve encore un moyen de nous faire racheter Street 2. Bien sûr. Ils sont forts chez Capcom. Ils n'étaient pas dispo sur assez de plateformes. Putain, c'est vrai. Et après, bon, je pense que la console, elle est moins généraliste que la NES Mini. Ce que je vais dire, on va dire, oh, c'est un scandale. Oui, bah en fait, ce que je dis, je l'assume. Il y a quand même pas mal de RPG sur la machine. Ouais, mais il y a plein de RPG est jamais sorti chez nous. Parce que quand même, au niveau généraliste, quand tu mets Mario World, Yoshi's Island, Castlevania 4, Super Goose Ghost, je te parle au niveau des Web RPG. Zéro. Non, mais d'accord, au niveau des RPG. Bah, après, les RPG, de toute façon, c'est un jeu de niche, même à l'époque. Hein. Même encore maintenant, même si c'est un peu plus démocratisé. À l'époque, les RPG. Il y en a trois. Et trois qui sont pas sortis chez nous. Hein. 3 sur 20, tu sais, c'est déjà pas mal. Hein. 3 sur 21, ouais, mais attends, parce que ça laisse quand même l'opportunité à nous, pauvres Européens, d'avoir. J'allais dire Chrono Trigger, merde. Non, il le manque, tu nous fais du mal. D'avoir FF6. FF3. Ouais. FF3. Oui, c'est FF6. C'est pas pareil. Oui, c'est mais voilà, c'est plutôt cool. Bah oui. Earthbound. Et Earthbound, bien sûr, oui, bah oui, comme Super oui, Mario RPG. Mario RPG, ouais. Et Mario RPG. Ouais, c'est cool. Hein, même si, là. Même si c'est des jeux que Nintendo a déjà vendus sur la console. Sur le store, oui. Voilà. C'est vrai. D'accord. Et qui sont sortis sur d'autres consoles après. Enfin, je veux dire pour FF, mais pas. Ah bah, on pourrait dire aussi, il y a pas Donkey Kong Country 2. Oui, il y a pas. Totalement. Pas les meilleurs. Mais. Bah, vous plaignez pas, hein, les Japonais, ils ont Super Soccer. Mais j'ai pas vu qu'ils ont. Il a échappé. Hein. J'ai pas vu qu'ils ont claqué Punch-Out dedans. Super Punch-Out. Si, il y a Super Punch-Out, il me semble. Ouais. Alors, bon, si votre truc, il lag autant que la NES Mini, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont terminer le jeu. Hein. Le jeu est déjà pas facile de base. Si en plus tu rajoutes un lag input dû aux écrans HDMI, plus un lag input dû au fait que bah, tu utilises des composants bon marché pour faire ton bazar, ça va être compliqué. Ah, Icar, lui, il connaît les vrais, les vrais strats. Il sait pourquoi on l'achète la SNES Mini. Ouais, enfin, on va pas s'en cacher. Il y en a beaucoup qui l'achètent en se disant, ils font leur prière tous les soirs en regardant leur carton de la SNES Mini. Pourvu que Nintendo fasse la même connerie. Ouais, c'est après, ça. J'ai envie de dire que si t'achètes ça pour la pirater, autant acheter un Raspberry. Hein. Je comprends pas l'intérêt de l'acheter pour la pirater. Exactement. T'achètes un RP2 même à la limite. Et à ce moment-là, t'achètes une coque SNES parce qu'il y a des coques faites sur mesure. Il y a des gens qui disent ouais, mais c'est les vraies manettes. Les reproductions de manettes avec bits d'eau. Oui, elles sont, très très bonnes aussi. Elles sont. Ah ouais, les manettes 8-bit d'eau SFC30, donc celles qui ont la gueule des manettes japonaises, elles sont terribles. Vraiment, elles sont terribles. J'en ai une maintenant depuis un an, la NES 30 Pro. Je suis d'accord, Icar, mais au bout d'un moment, quand tu pirates l'appareil, c'est plus l'objet officiel. Tu l'as piraté, t'es rentré dans le code. T'as souillé l'objet officiel, quoi. Donc t'achètes, tu lâches 80€ pour un objet officiel que tu vas modifier. Ouais, c'est pas de la grosse modification, ça. Mais enfin, ouais, de toute façon, c'est pas trop le sujet. On parlera que des jeux qui sont dessus et officiellement dessus. Hein. Il y a pas de. Mais bon. Après, on peut faire notre petit compte habituel qu'on aime bien, à savoir, est-ce que ça vaut le coup financièrement d'acheter la SNES Mini par rapport au fait d'acheter toutes les cartouches à l'unité? Ah bah, oui, Earthbound, c'est dans la vie. Bah oui. Mais même Mario RPG. Bah, Mario RPG en US, il fait mal, ouais. Bah, ouais. Ah, bah, surtout, va essayer d'acheter Star Fox 2. Et Earthbound aussi. Oh, Star Fox 2, ça se carte mode assez facilement, Buzz Ditch. C'est oui, mais c'est pas chiant. La Star Fox 2, c'est même pas la question. Non, mais attendez, parce que la question, là, elle se pose même pas pour Star Fox 2. Il est jamais sorti officiellement. Bah oui, tu peux même pas l'acheter. C'est difficile de l'acheter. Attendez un petit peu, s'il y a des gens qui sont capables de la craquer dans un sens, ils la craqueront dans l'autre, et tu auras la possibilité de jouer à Star Fox 2 sur une vraie SNES. Moi, c'est ça, oui. Personnellement, je m'en tamponne le coquillard de la Super NES Mini, mais totalement. Comme j'ai été plaisanté sur Twitter, vivement le Virtual Boy Mini, où on te l'avance en jeu avec un paquet d'aspirine, quoi. Voilà. Et voilà. Mais pour le coup, j'attends que y a des petits malins, si c'est possible un jour. Juste attention le truc, avec Star Fox 2, le problème principal, c'est qu'il utilise un Super FX 2. Oui. Ça veut dire qu'il va falloir sacrifier une cartouche avec un Super FX 2 dedans pour pouvoir faire un cartouche. Il y a certains jeux comme le jeu de voiture avec Super FX. Le premier qui me sacrifie Yoshi's Island, il n'est pas bien. C'est Yoshi, j'allais dire. Parce que Yoshi Island, c'est le FX 2, c'est mal. Faut pas sacrifier Stone Trace FX et on en parle. Stone Trace FX, c'est pas le Super FX 2. Ouais, mais ça passe quand même. Ah non, je pense que ça pourrait. Non, mais non, c'est pas le Super FX 2 qu'il faut. C'est la deuxième itération de la puce. Beyond. Il y a Doom. Beyond. Le kart mode Star Fox 2, je l'ai fait. Avec un Stone Trace FX. Ça marche. Oui, mais c'est le Star Fox 2 version pas optimisée. Oui. Version type yaké. Ouais. Donc on verra. Voilà. Mais on verra si ça se trouve, ça passera. On verra bien. Ça va, je viens de me souvenir que Doom utilise Super FX 2, tout va bien. Oui. Ah bah Doom, vous pouvez y aller. Allez-y. Non. En plus, c'est pas bien ce qu'on dit, parce que massacrer des trucs rétro pour en créer d'autres, je sais pas... Bah, tout dépend. Si c'est pour créer un truc qui est jamais sorti pour jouer sur la console, d'accord. Moi, perso, je n'y vois pas d'inconvénient. Si c'est par contre pour en faire une copie malgache, autant acheter le jeu sur AliExpress et puis tu payes moins cher. Ouais, moi, personnellement, à partir du moment où on détruit un truc fonctionnel et existant, ça me... Ça te gêne un petit peu. Ouais. RTCititris. Non mais c'est vrai, Gabi, à un moment il avait voulu faire le fameux Raspberry dans la cartouche de NES. Il a fallu que je bataille avec lui pour pas qu'il crame une cartouche de NES avec un jeu déjà dedans, même des jeux pourris. Hein. Mais je vous ai stocké 5 boîtiers. Donc, si ouais, je sais, ouais, mais ça c'était avant qu'on échange. Mais sur le coup, lui, il prenait le jeu Golf, il commence à dire c'est bon, je vais l'exploser pour mettre autre chose dedans. Je fais non. Oh bah, ouais, enfin après Golf, c'est pas non plus un jeu... exceptionnel. Oui, mais ça reste un jeu, voilà. Voilà. Bah, c'est comme Indiana Jones, hein. Sa place est dans un musée. Voilà, c'est tout. Voilà, dans un musée. Mais par contre, personne n'y joue. Interdiction, hein, parce que c'est de la merde. Vous ne touchez pas, il est maudit. Et outre donc ces atermoiements de chez Nintendo et des stocks, on a quand même vécu, juste pour en parler rapidement, depuis le début de l'année, là, on a quand même, même depuis le début, depuis quelques semaines, c'est la fête au rétro. Il n'y a aucune news rétro. Par contre, la PS4 est en train de devenir la plateforme d'accueil d'à peu près tout ce qui peut être remake et remaster de jeux estampillés Sony. Que ce soit le Wipeout qui est sorti, que ce soit la Crash Trilogy, le FF12 hier. Ouais, le Coroco aussi. C'est PSP, c'est un petit peu rétro maintenant, je pense. T'as eu quoi ? T'as eu les Ape Escape aussi qu'ils ont ressorti, non ? Quelque temps, après, il y a des jeux PS2 qu'ils ont ressortis, ouais. Pour des mecs qui ont comme politique de dire que personne ne s'intéresse au rétro, je trouve qu'ils font payer très cher les trucs dont que ça intéresse personne. Bah, paradoxalement, beaucoup de gens s'intéressent au rétro. Mais quand même, il faut reconnaître que les compilations Wipeout, Crash Bandicoot, ou le FF12, Zodiac Age qui est sorti, ils ont fait quand même, c'est du boulot très propre. Là par contre, pour ceux-là, franchement, oui, là j'ai fini le Crash hier, Crash 1. C'est propre, c'est agréable à l'œil. C'est pas non plus ouais. ouf, hein, parce que le jeu il tourne qu'en 30 FPS et il y a certaines ouais. textures, elles sont bof bof, mais c'est un portage. C'est presque du remake même, je dirais. Bah oui, ouais. Ouais, c'est pour ça, c'est du remake. Il en a d'autres en fait à proposer, alors je suis pas d'accord du tout. Parce que quand t'as eu ce début d'année avec des jeux comme Gravity Rush 2, comme Horizon ou comme Persona 5 sur la PS4, tu ah ouais. peux pas dire ouais. qu'il n'y a pas eu de nouveauté. Ah oui, sur PS4, si, il y a des jeux quand même. Faut. Oui, ça, par contre. Nier Automata, tout. Ne parlez pas Nier Automata, s'il vous plaît. Yakuza 0 Je m'en remets difficilement, là. Non, il y aurait rien d'autre que des... Même sur une console comme la Switch, très récente, il n'y aurait rien d'autre que des remakes, on aurait le droit de râler. Mais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ARMS est là pour ouais, apporter totalement. Un nouveau gameplay. Voilà, il y a des choses qui se passent. Il y a des jeux indés sur Switch, hein, on n'en parle pas assez, mais il y a des petits jeux indés sur Switch qui sont vraiment sympas en plus. Il y en a qui est sorti ouais. cette semaine. Il ouais, y a Bandico Fizak, Afterbirth Plus, ouais. joli petit jeu indé. Non, mais il y a le puzzle game de Nintendo là où oui, il faut c'est frapper quoi, sur les tiles pour changer de couleur, c'est ça ouais. C'est quoi ça a l'air bien ça, non? C'est Nintendo qui est ça, c'est un jeu purement Nintendo qui sortira sur les notes parce que c'est un jeu fait par Nintendo. Et alors, le quoi, nom, les quoi, sou- les sushis là? Way of the Sushido? Non, ils ont sorti un truc cette semaine, j'ai pas trop compris d'où ça venait, mais ça a l'air vraiment pas mal, j'ai même hésité à le prendre, après bon, je vais trouver... Non, mais faut arrêter avec les remakes, ça fait depuis la NES qu'on bouffe des remakes déjà... Mais même déjà, si tu réfléchis bien, ça date même encore d'avant la NES. Je veux dire, avant, il y avait même, on sortait Pong sur arcade, et après on te sortait même des consoles Pong. Je veux dire, oui. Oui, mais c'est exactement. Sauf que c'était noyé avec le nombre de jeux qu'il y avait. Parce que c'est vrai qu'effectivement, en production de jeux avant, il y en avait beaucoup. Les jeux coûtent plus cher, on en fait moins, très sincèrement, donc ça se voit plus. Boss Dick, très sincèrement, avant, en amateur, tu pouvais chier un jeu en une semaine, et en professionnel, donc les gros studios, ils chient un jeu en 3 mois. Maintenant, tu trouves quelqu'un, même un développeur indé, qui est capable de chier un jeu. Non, mais parce que les jeux, ça prend plus de temps et surtout, coûte plus d'argent. Ah oui, bon, mais exactement. Fatalement, donc, oui, il y a des rires. Le jeu dont on parle avec Chou, c'est Flip Wars. Voilà, merci, oui, je me souvenais plus. Flip Wars, qui est sorti cette semaine. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais ça, c'est à mettre en rapport aussi avec ce que Miyamoto avait sorti. Enfin, en tout cas, ça a été rapporté la semaine dernière en disant qu'il ne voulait absolument pas d'un remake de Mario. Et je ne sais pas si vous avez lu la news, d'ailleurs. Non. Non, ça vous dit rien, j'aurais dû mettre le lien. Enfin bref, donc il avait dit ça, mais quand il pense, Mario, il a été remaké énormément de fois. Déjà rien qu'avec la compile Mario All-Stars, tu sais, sur Super NES qui remakait les épisodes de NES. Mais bien, il y en a toujours eu. Après, là, c'est plus une overdose, effectivement, parce qu'ils en annoncent beaucoup et très rapprochés. Après Boss Dick, pour certaines licences, je vais pas dire que bon, j'achèterai pas, hein, c'est clair et net. Mais je peux comprendre, les devs, ils peuvent se dire aussi, bon, on peut un remake, ça va nous prendre beaucoup moins de temps à sortir, et aussi, on peut voir s'il y a des gens qui vont être intéressés par sortir une nouvelle aventure, ou voilà, ou... Tu vois ce que je veux dire ? Ils font ça pour tester, voir, c'est ce qui s'est passé avec le Sly, ils ont sorti la trilogie, et ensuite, ils ont sorti le quatrième. Voilà. Après, il y a remake et remake aussi. Sortir Last of Us en fin de PS3 et le ressortir en remaster tout de suite dès le début de la PS4, effectivement, moi, ça me chagrine. Bah après, moi, je sais pas. Après, moi, tu vois, Last of Us, je l'avais pas fait sur PS3, j'ai fait sur PS4, du coup. Bah, c'est oui. ça, parce que je veux dire, il y a beaucoup de joueurs 360 qui ont migré sur PS4 à ce moment-là, et eux, ils avaient pas fait la PS3. Hein. Bah, c'est comme GTA 5 qui s'est vendu tellement. Et pour encore plus le vendre, ils se sont dit, bon, on va refaire le même jeu, mais sur PS4. Et quand tu vois le jeu qui continue à se vendre encore, hein, ouais, moi j'ai du mal. Je préférais que, voilà, ils laissent le jeu sur la console, le jeu vient de sortir, t'as pas besoin de faire un remaster tout de suite. Le jeu est sorti il y a 6 mois. Tu peux attendre. Maintenant, on n'attend plus, effectivement. Il y a des soucis de rentabilité, on le voit à Nintendo et aussi, les Wii U sur Switch. Ou les jeux Wii U portés sur 3DS comme Yoshi's Woolly World, il y a quand même il y a un moment, il faut rentabiliser le développement des jeux qui est de plus en plus long et qui nécessite de plus en plus de personnes. Donc il y a beaucoup de rationalisation financière derrière. C'est pour ça que Pokken va ressortir sur Switch aussi. Ouais, après, il y a aussi d'autres phénomènes, c'est rentabiliser des jeux pour lesquels les gens n'ont pas acheté la console. Ce qui est le cas de Pokken, ce qui était le cas de Yoshi et Woolly. Voilà, au bout d'un moment, ils se disent on a mis quand même suffisamment les moyens dans ces jeux. Bah, pourtant, Pokken s'est vendu au Japon. Oui, oui, mais en Europe, c'est pas fou. En Europe, c'est... Non, mais ça, mais c'est la physique. Au Japon aussi, au Japon, il a eu son succès. C'est même pas la faute du jeu. C'est pas la faute du jeu, c'est la faute de la console. Ouais, 8 millions de Mario Kart sur Wii U, oui, c'est beaucoup par rapport au parc Wii U. Mais pour un Mario Kart, c'est vraiment pas terrible. Mario Kart, ça se vend... Surtout après la version Wii. Ouais, oh, la version Wii s'est vendue combien 20 millions d'exemplaires. Mais ouais, clairement, c'est pour ça que les ratios, ça veut rien dire. Parce que quand, en fait, compté le nombre d'exemplaires vendus. Hein, voilà, pour Nintendo, ils se sont dit, on sort un Mario Kart, il va se vendre 30 millions de Wii U, et le jeu, il va se vendre, justement, les gens vont vouloir avoir Mario Kart 8, donc ils vont acheter 30 millions de Wii U. C'était ça le calcul de Nintendo. Et c'est pas ça qui s'est passé. J'ai les chiffres, Mario Kart 8. Dites un chiffre, tiens, pour voir. On va faire un petit sondage, ça va être rigolo. Dites un peu à combien ça a été vendu au total, hein, dans le monde entier. Le monde entier, une vingtaine de millions. Oh, je dirais moins que ça. Moi, je dirais plus. 35 millions. Du 36 si tu arrondis. Mario Kart DS, 23 millions. Mario Kart 7, donc sur 3DS, 13 millions. Mario Kart 64, plutôt. On arrive à 10 millions, quasiment. SMK, 8,7 millions. Et en sixième position arrive Mario Kart 8 avec 7,4 millions d'exemplaires, mais je pense que les chiffres ne sont pas spécialement à jour. Voilà. Donc apparemment, celui qui s'est le moins bien vendu, c'est pour l'instant, en fait, c'est normal, la version Switch. Mais c'est normal parce que le jeu, il a quelques semaines au compteur. Et qui a déjà dépassé les 2 millions d'exemplaires. Non, mais 2 millions d'exemplaires alors qu'il est déjà sorti sur Wii U. Ah oui. Donc ça reste quand même quelque chose de super vendeur, Mario Kart. Sinon, bon, on va dire qu'on ne le compte pas Mario Kart 8 Deluxe. Celui qui s'est vraiment le moins bien vendu, c'est Mario Kart Super Circuit sur GBA. 5,4 millions d'exemplaires, voilà. Ce qui est déjà pas mal, mine de rien. Ouais, sur GBA, c'est seul. J'ai copié le lien dans le chat. Parce que la GBA est autrement plus populaire que la 3DS aujourd'hui. Voilà. Mario Kart 7 sur 3DS n'a pas été non plus considéré comme un gros succès. Hein. Exactement. Et pourtant, il s'est vendu. Hein. Mmh. Et pourtant, il est pas si mal que ça. C'est Retro Studio, il pose les bases de la Mario Kart 8. Je veux dire, tout le gameplay de Mario Kart 8, il est dans le 7, déjà. Il est dans le 7. Ouais, c'est vrai, avec les petits Data Plan et tout était dedans, déjà. Ouais. Je suis d'accord pour dire que vendre un jeu à 8 millions d'exemplaires, c'est énorme. Mais pas c'est pour Nintendo. Énorme. Mais quand t'as prévu de le vendre à 20 millions d'exemplaires, exactement. Tu te fais mal. Hein. C'est Square Enix aussi qui disait qu'ils pour rentabiliser leur jeu, ils avaient prévu de vendre 10 millions de Tomb Raider, le reboot, le premier. Ouais, non, mais là, ils sont allés loin quand même. Ils ont fait des estimations très très hautes. Ils ont complètement fumé, mais en attendant, pour eux, ça n'a pas marché comme ils le voulaient. Alors, même un jeu qui est carrément en demi-teinte, comme Double Dash, qui est pourtant mon préféré, il s'est à peine vendu à 7 millions d'exemplaires. Mais c'est normal, c'est la console aussi qui faisait ça. Quoi. Le parc de GameCube n'était pas énorme aussi. Hein. Comme pour la Wii U. Et si tu regardes, les chiffres des ventes, ils sont quasiment similaires. Hein. Après oui, dans l'absolu, ça reste énorme en termes de volume de vente. Oui. Mais pour Nintendo, c'est pas assez. Exactement. Après, au pire, vous voulez pas du remake de Mario Kart 8, et vous l'achetez pas. Hein. ça va aussi vite que ça. Hein. Mais c'est vrai qu'on risque d'avoir pas mal de trucs comme ça. Il y a même Platinum Game qui a dit qu'il serait peut-être tenté de refaire The Wonderful 101. Ouais, mais il y a Bayonetta aussi qui risque peut-être d'arriver, vu comment ils ont teasé. Hein. Et j'ai une question, donc il y a des gens ici, tu l'as je crois le Mario Kart sur Switch. Oui. Beyond aussi doit l'avoir. Beyond aussi. Vous avez essayé d'y jouer uniquement en mode un Joy-Con, genre vous êtes à deux, vous prenez chacun un Joy-Con. Ça se joue bien ou c'est bof? Non. Non, alors je vais être super honnête, c'est le Joy-Con tout seul, c'est de la merde. Soit les boutons sont excentrés, soit le stick est excentré, c'est beaucoup trop petit. c'est absolument pas agréable. Je veux dire, même ma fille avec ses mains de 4 ans, elle n'arrive pas à y jouer correctement avec le Joy-Con 7. Ouais, faut d'accord, acheter, okay. Faut acheter non, mais pro. Vraiment, je voulais demander, parce que autant hier, j'ai un pote qui est venu, on a fait un super Bomberman R, et bon, ça passait. C'était pas exceptionnel, mais ça passait. Voilà, ça. Moi, personnellement, je suis parti de. Ben, j'ai déjà eu une manette pro, je vais en racheter une deuxième. Voilà. Pour donner une idée. Moi, par contre, la manette pro, je suis totalement pas fan. Ah, elle est bien. Ah, je t'ai trouvé. Ouais, je sais. Mais je trouve que les boutons sont trop gros, ils ont trop de recul. Et, enfin, bref. Ah, je la trouve géniale, moi. Ouais. En même temps, j'y ai joué 5 minutes, donc j'ai pas pu non plus me faire une opinion. Enfin, bref. Donc voilà, je voulais juste demander. Au niveau des. Une petite news supplémentaire, juste c'est tombé aujourd'hui, je vous le dis. Hey, il y a le Rayman aussi qu'on n'a pas parlé, merde. Vous pouvez juste rapidement sur Bandcamp ou via Steam acheter l'OST du remake de Wonder Boy Dragon's Trap, pour ceux qui aimeraient la musique de ce jeu, avec autant de bonus que de l'OST du jeu, avec des versions différentes non utilisées dans le jeu final. Sur Bandcamp, il y en a quelques-unes qui sont écoutables, qui valent franchement le détour. Et on peut parler, oui, rapidement, donc du prototype de Rayman dont on avait parlé il y a plusieurs mois, que donc... Attends, excuse-moi, je te coupe, c'est pas dont on avait parlé, c'est dont tu as sorti la news quasiment en exclusivité, hein. Faut quand même l'avouer, voilà. Et donc, dont Michel Ancel pleurait la disparition et le programmeur du jeu a popé en disant « Attends Michel, bouge pas, je crois que j'ai retrouvé un truc chez moi, il y a marqué Rayman dessus ». Et donc, la cartouche a été dumpée par notre ami Omar. Omar. Toujours là, Omar. Des bisous, hein, Omar. Et donc, entre deux portages de Wonder Boy sur PC ou sur Mac, il a eu le temps de dumper la ROM, qui contient donc quasiment rien. Hein. Il ne faut pas attention. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un niveau entier. Mais qui montre ce qu'aurait pu être Rayman sur Super Nintendo, dans ses premières versions. Donc attention, pas de musique, pas de bruitage, pas de... Il y a quasiment rien, il y a des phases d'animation, voilà. Oui, voilà. Et c'est jouable avec n'importe quel émulateur, il n'y a aucun problème, ça pèse que dalle. Et ouais. Je testerai peut-être un jour, si j'ai le temps, sur une flashcard, pour voir. Ouais. Bah, je l'ai fait. Ouais, ça marche. Ouais, bah écoute, je sais pas si j'ai dû merder quelque chose, parce qu'en fait, la ROM... Ça marche pas, hein. Non, mais quand Omar avait dumpé la ROM, pour pouvoir tester, voir si ça valait le coup pour plus tard, éventuellement en faire un carte mode, chose que je fais beaucoup pour des trucs comme ça qui ne sont pas sortis, j'avais en fait augmenté la taille de la ROM de 512 kg à 1 méga. Et je sais que parfois j'ai des problèmes, des soucis comme ça avec les overdrive, Et du coup, il va falloir que je reteste avec la ROM d'origine parce que ça ne... Le jeu bootait, si tu préfères, mais ça crachait, en fait. Ok. Ouais, donc, bah ça le fait souvent, hein. Enfin, sur des trucs, des trucs qui passent sur l'émulateur et pas sur l'Everdrive, ou la flashcard, peu importe. Mais du coup, je me dis, c'est peut-être moi, en fait, qui est corrompu le bidule, et j'ai pas pris le temps de réessayer depuis. Mais en tout cas, Fury a testé, je crois, sur un Raspberry, et apparemment, ça fonctionnait. Mmh. Mais j'ai pas pris le temps non plus de foutre la ROM sur Raspberry. Ouais. Voilà. Quelqu'un avait quelque chose à ajouter d'autre en news? Juste que professeur abrasif, le monsieur qui fait son lecteur USB pour jeu Saturne, pour la Saturne, là, il avance bien. Voilà. Il a déjà un proto. En tout cas, suivre ça, ouais. Donc ça m'intéresse tellement. Bah, totalement. Je pense que c'est le genre de truc, dès l'instant où c'est annoncé officiellement, j'en prends un. Donc il avance, tranquillement. Bon. Alors ce soir, nous avions prévu d'utiliser un sujet que nous n'avions pas pu traiter dans une précédente émission. On va vous parler en fait des rangements. Et d'ailleurs, on va échanger avec vous, parce que vous pouvez aussi dire ce que vous en pensez sur le chat. On va parler des rangements, et surtout, en tant que collectionneur rétro, forcément, il y a un moment où il faut stocker des objets. Oh mon Dieu. On se retrouve tous, à un moment ou à un autre, confrontés à « Bon, là, j'ai plus de place, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire ?» Donc, par où commencer ? C'est compliqué. Par le début, c'est peut-être non. Et bien, moi, j'aurais plutôt envie de vous nuancer le truc, c'est qu'est-ce que je fais sachant que je ne peux pas arrêter d'acheter des trucs. Voilà, ouais. C'est ça. En fait, je pense que le plus gros problème, c'est ça. Ben ouais. Le truc de base, quand on commence à, voilà, à prévoir des choses, à acheter ou fabriquer des stagiaires, c'est de se dire, j'ai tant de jeux, mais je dois prévoir pour lorsque j'en aurai plus. Ouais. Après, d'expérience, je sais que c'est jamais suffisant. Ouais. Si oui. Vous continuez à collectionner derrière. Ça, c'est... Croyez-moi, c'est jamais assez. Et les étagères, c'est déjà un problème en soi. Mais c'est peut-être... Moi, le truc qui m'a posé le plus problème, c'est plus comment stocker les consoles de façon correcte, sans empiler les trucs, sans faire des nœuds avec les câbles. Ah, tu parles, oui, du fait d'avoir les consoles branchées et utilisables à tout moment. Non, même pas. Ça j'ai abandonné. Hein. Ouais. J'ai abandonné. Hein. Quand tu vois toutes les saloperies que j'ai, c'est pas possible. Et la facture d'électricité aussi. Non, mais là, on va arrêter. On va arrêter tout. On recommence. On a des exemples. Déjà, bon, les plus beaux exemples qui traînent sur le net se montrent quand même des jolis meubles avec. Oui, totalement. Chaque console bien rangée sous ouais, une. Ça, ouais, mais ils en ont quoi? 6, 8? Non, mais alors... non, des meubles bien plus grands que ça avec qui voilà. Une trentaine ou une quarantaine de machines en dessous. Hein. Ces trucs-là sont totalement pas adaptés à des machines comme les Amiga, les Amstrad où tu as besoin d'un écran à part. Les Amiga, tu as besoin d'une place pour mettre le mulot. Ouais. Enfin bref. Donc il y a tout un tas de machines auxquelles c'est pas spécialement bien adapté ces meubles. Mmh. Oh, monsieur Panul, bonsoir. Alors, moi je vais vous sortir première photo du truc, parce que, bordel, ça a pas fait ce que je voulais, bref. J'ai marre, c'était beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon, on recommence. Ouais, alors, non, mais pourquoi ça fait pas ce que je voulais? Bref, moi j'ai trouvé la solution pour ranger les consoles, c'est de pas les ranger, voilà. Ouais. J'ai un petit meuble, vous pouvez voir, il est pas grand mon meuble, hein, mais il y a toutes mes consoles qui sont rentrées dedans. Toutes. Il y a même mon écran CRT à côté et tout, et ma pièce, elle fait quoi? Là, j'ai un salon, il fait 10 mètres carrés. Donc, en bourrant bien, et c'est pas l'install définitive là, mais en bourrant bien, c'est passé. Et je voudrais revenir sur la consommation d'électricité. J'allume les consoles qu'une par une, hein, donc ça consomme pas plus que j'ai... Oui, non, mais comme tout à l'heure, on parlait d'avoir toutes les consoles branchées et prêtes à jouer... qu'on ne le faisait pas par manque de place, c'est aussi parce qu'on l'a fait un temps, nous... Et je peux te dire que quand tu reçois la facture, tu fais bon, on va débrancher. Mais après, depuis, j'ai refait mon setup, mais j'ai pas de photos, moi. Vous m'avez envoyé des photos, vous, c'est vrai? Moi, j'ai pas fait de photos. Parce que depuis, on c'est. On m'a pas demandé de photos. Moi, j'en ai pas parce que moi, il n'y a rien de rangé. Et parce que, voilà, au niveau setup, moi, on a un peu parlé. Moi, je suis pas du tout un adepte d'avoir tout branché en permanence. Pareil, ouais. Moi, j'attrape les consoles une par une et j'y joue au fur et à mesure. Ce qui a un avantage, c'est. Que je sais pas s'il y a un avantage, mais il y a un inconvénient, en tout cas ce qui est sûr, c'est que assez rapidement on se retrouve avec des consoles posées partout. Oui, genre au sol, sur la télé, au secours, et on se retrouve, tu sais très bien de quoi je parle, à tirer le câble en espérant que le reste vienne pour arriver, parce que tu sais plus lequel est le bon. Tu sais que j'ai fait ça tout à l'heure pour débrancher mon Atari 2600. Et ça te donne des accidents, ça aussi. Ah oui, oui, totalement, totalement. Ce genre de truc, tu peux totalement faire le con et rattraper à 5 cm du sol ou alors le faire tomber sur ton pied, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Bon, quand c'est encore une Atari 2600, c'est pas bien lourd. Par contre, si tu fais le con avec un écran d'Amstrad couleur et que tu le fais tomber sur ton gros orteil, tu pousses quand même un petit cri. T'as un petit peu mal. Ouais. Ça m'est arrivé, ça, déjà. Donc, c'est pour ça. Mais monsieur Chou, si tu tires un câble d'écran télé Amstrad, tu sais qu'il y a du poids quand même derrière. Quoi. Oui, oui et non. Parce qu'en fait, ce que j'ai fini par faire, c'est maintenant, pour être sûr, aux deux extrémités du câble, je mets une étiquette qui indique ce que c'est. Ah, c'est ce que j'ai fait, moi. Là, ça me rend... Sinon, ça me rend fou. Sinon, ça me rend fou. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis des étiquettes partout. Maintenant, mon setup est propre. C'est dommage, j'ai pas de photo du coup. Après, il y a juste un problème avec les écrans CRT. En fonction de. Enfin, c'est toujours un problème. C'est l'accès à la prise Péritel. Ah oui. Ah, oui. Toujours compliqué. Et surtout, le fait que, évidemment, il faut, dans la mesure du possible, essayer d'acheter un petit module pour déporter. pour éviter de faire travailler la connectique Péritel derrière votre écran, surtout si vous avez un écran cathodique auquel vous tenez un petit peu. C'est pas toujours très bon de brancher, débrancher. Ou alors, moi, il y a depuis quelques temps, j'en ai beaucoup parlé, mais pour le coup, comme je touche pas d'action, je vais en reparler. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, je reçois des messages. Désolé. Okay. Pour le coup, je vais en reparler parce que je me fais absolument 0€ là-dessus. C'est RGB Pi. Donc, j'ai rangé ma SNES, ma NES, mon Atari 2600, mon Amstrad 6128 et l'Amiga dans la pièce sur le côté. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai juste laissé RGB Pi branché sur la télé et une Saturn et une PS2 branchée à côté. Comme ça, voilà, vraiment. Les trucs auxquels j'aurais envie de jouer en rétro qui sont pas dans RGB Pi, je me fais pas chier, je sais que j'aurai à brancher et que j'aurai les consoles sous la main. D'accord. Ça peut être aussi une bonne idée de se dire, bon, certaines consoles, je me fais pas chier à les brancher pour des fois jouer 5 minutes. Ouais. Ce qui arrive des fois, le soir, je me fais chier, je me dis, je me ferais bien un Berserk sur Atari 2600 vite fait avant d'aller pioncer. Et attends, le temps d'aller chercher le jeu, de brancher le bousin et tout, c'est bon. Non, c'est RGB. Je vais l'expliquer. Allez-y. Je disais que c'était dans le cas un petit peu combiné entre Beyond et Bosdick. C'est-à-dire que moi, quand je joue à quelque chose, je prends une console, et en plus, c'est pas rangé. Donc c'était un boxon, en fait. Je ne m'y suis jamais mis, et je ne sais pas comment faire. Non, mais c'est surtout que j'ai pas le temps d'aménager. J'ai déménagé entre-temps, il y a un manque de place certain, c'est compliqué. Donc c'est rangé un peu partout. Il y a quand même des choses dans des caisses, dans des boîtes. C'est ça. Moi, pas un véritable rangement, quoi. Comme vous allez pouvoir le voir sur la photo que va mettre Moa, j'ai des tiroirs dans lesquels j'ai des manettes. Ah oui, il y en a qui... Et on peut en faire... L'idée, c'est... les consoles sont à portée de main, et quand on veut une manette, généralement, on fouille dans un de ces tiroirs et on trouve... Alors moi, j'ai encore mieux. J'ai une table de salon qui a une tablette qui se relève. D'accord. Et du coup, il y a des manettes, il y a un clavier, il y a tout dedans. Et après, je rebaisse et ça se ferme. C'est bien. Et du coup, tout est à portée de main. Oh, le bordel. Alors non, c'est pas du tout le bordel parce que c'est fermé. C'est pas le bordel. Ça ne se voit pas. Non, et puis c'est pas... Non, alors sur l'image de Beyond, c'est pas le bordel. Parce que là, on le voit tout de suite. Je veux une manette de 64, je prends la manette de 64. Je veux la souris, là, je la prends. Je veux la manette qui est au fond, là... Machin, je la prends. Il n'y a pas de bordel là. Franchement, non. Ouais. C'est juste qu'il y a plein de trucs. Il y a juste un truc qui, moi, personnellement, me choque, c'est que les manettes, les fils sont roulés sur eux-mêmes. C'est juste ça qui me fait un peu. Oui, alors elles sont roulées sur elles-mêmes, mais elles ne sont pas roulées serrées. Ouais, voilà, c'est pas. Ne t'en fais pas, elles sont pas. Voilà, c'est pas serré à mort là. Je laisse du jeu. J'ai bien vu que tu faisais pas un garrot avec les fils. Pas et surtout au niveau de la petite connectique pour pas que ça se torde, ça c'est ça le pire. Sinon, voilà, comme dit Fury, il y a les trucs velcro, je crois, sur Amazon, c'est des trucs chinois à 100. T'as 100 exemplaires pour 1€ et quelques. Ah ouais, ça c'est la vie. Hein. J'en ai acheté il y a pas longtemps pour le taf en fait. Et c'est excellent. Et sinon, les élastiques ça fait aussi bien le taf. Oui, ou les rouleaux de papier toilette. C'est stylé. Hein. Les rouleaux de papier toilette pour ranger les câbles. Hein. Oui, aussi, mais totalement. Ça marche. Ou de sopalin, ah oui, hein, si vous êtes un jeune étudiant, vous devez en avoir plein. Et. Et ça marche. Hein. Mais enfin. Ouais. Parce qu'il mange épicé, hein. C'est pour ça qu'il mange très épicé. Ouais, voilà, c'est ça. Je regarde mes photos, Soko, je me souviens même plus ce que tu avais donné pour voir des illustrations. Ah, c'est ça, parce que si tu veux, tu peux mettre la photo d'ensemble des meubles, moi, avec tous les tiroirs fermés. Ah, alors c'est fermé, c'est celle-là. On voit. Quand c'est fermé, c'est relativement. Je pense que c'est celle-là. Un peu clean. Attends, ça fait des beaux meubles. Et les tiroirs sont stylés de ces meubles-là en plus. Alors, voilà. Alors, on va pas faire une pub Ikea comme on a dit. Les petits tiroirs, ça donne ça après. Mais c'est du Pax de chez Ikea et non pas du Billy. Tout le monde parle tout le temps du Billy. Ça, c'est PAX. PAX, c'est les armoires que vous avez du côté des penderies. Et avec les penderies, ils ont ces fameux tiroirs qu'ils ont des butées là, qui les empêchent de claquer quand vous les fermez violemment, qui sont vraiment très très bien. L'inconvénient, c'est bon, mais comme toujours avec les meubles IKEA, mettez pas non plus 50 kilos sur chaque tablette. Parce que même en faisant attention, ça gondole forcément un petit peu au bout d'un moment. Les gens qui disent que ça c'est le bordel, je crois qu'ils savent pas ce que c'est le bordel. Parce que là. Là, parce que là, les jeunesses, ils sont pas en ordre alphabétique. Hein. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Ils sont pas en ordre alphabétique, il n'y en a pas deux identiques. Hein. C'est vraiment une. Voilà, là, c'est par console, c'est par ordre alphabétique. Et vous pouvez remarquer qu'il a même acheté le luminaire façon Star Trek Enterprise, hein, oui. Je crois que un luminaire que j'ai failli acheter. Hein. Alors, moi, c'est ce luminaire, je l'ai acheté parce que ça va faire rire moi, ça me fait penser quand il est fermé à Samus. Oui, voilà, je vous l'achète exactement pour la même raison. C'est juste pour ça. Voilà, c'est... Il y a Fury qui pose la vraie question. Et Agané, il est où? Il y a Urgu qui nous a lancé, je crois que c'est ça, les Billy. Oui, c'est ça. Après, il y a autre c'est pas chose mal aussi, hein, franchement. Joli PLV. Billy, c'est cool. Après, il y a autre chose que les Billy, il y a les... Ah, comment ça s'appelle ces trucs? J'ai que ça en plus chez moi, merde. Les Kallax. Ouais, voilà, mais elles avaient un autre nom avant. Parce que le truc, avec, voilà, les Billy, il n'y a pas les tiroirs qu'il y a dans les packs. Voilà. Par contre, les tiroirs, c'est ce qui va coûter le plus cher. Je vous le dis, ils ne les donnent pas. Hein, chez c'est de ça que tu parlais, Chou? Attends, je vois pas encore. Attends, ouais, ça va arriver. Ouais, je suis désolé hein, pour les images, voilà, j'ai pas eu le temps de. Voilà. Ouais. En même temps, j'ai pris les photos aussi à l'arrache. Voilà, ouais, c'est les Kallax, ouais, les carrés. Elles sont hyper profondes, en fait. Ouais. Les packs sont disponibles en plusieurs profondeurs. Celles chez moi, c'est les 70. Elles sont très très profondes, mais on peut en acheter des 25 et des 50. C'est pas des Billy, c'est des Fouquières, exactement. une blague qu'on n'est que deux à comprendre, du coup, j'aime bien. Et effectivement, alors les Billy, je sais pas, mais sur les Kallax aussi, tu peux acheter des portes qui se referment pour éviter pour la poussière. Tu peux même aussi acheter un truc façon vitrine aussi. Bon, ouais. Là, c'est. Ouais, après, on parlera des boîtes. Voilà comment. Ouais, j'ai mis ça sur la route. Oui, mais au-delà de ça aussi, ben, sur le pack, c'est comme chez Billy aussi, tu peux aussi acheter même des luminaires à mettre tout autour pour illuminer à l'intérieur. Oui, c'est exact. Dressing, voilà quoi. C'est un pack de LED, c'est ça? C'est ça. Mais si vous voulez des options, il y en a, mais waouh, il y a vraiment de quoi faire. De toute façon, c'est le créneau de tout ce qui est IKEA, Linéa, enfin, Le pack de LED, je l'avais pris, je l'ai encore d'ailleurs. Le seul souci, c'est que quand tu viens à avoir beaucoup de trucs, bon, il va se calmer avec sa voiture, je la frite, là. Excusez-moi. Donc oui, quand tu commences à avoir beaucoup de trucs, en fait, il arrive un moment en fait où l'éclairage il sert plus à rien, quoi. Tu le vois même plus. Et c'est tout le problème du truc, mais bon. Alors nous, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps les fameuses boîtes de rangement officielles là qu'ils avaient sorti Nintendo pour les jeunesses. Donc tu sais où tu pouvais en caler 10 comme ça. Oui, Au final, on les a foutus à plat, on en a empilé 3 comme ça, qu'on a rempli de jeux, et on a récupéré les... Donc on le laisse ouvert, et on a récupéré les couvercles pour ranger les jeux Game Boy. Voilà. Qu'on a foutu derrière dans une Billy. Là, la photo que Moat a mis là en détail, elle va aussi avec celle de du meuble violet, mauve. Ah, j'ai pas ça. Où il y a les jeux 3DS, DS, Wii U. Oh là là, c'est terrible. Parce qu'attends, il y a même une image. Attendez, il y a une image qui s'appelle littérature. Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, d'accord. C'est cette image-là, en fait, ça, c'est ces deux étages de bibliothèque ont été faites sur mesure. T'as pas de j'ai pas de truc violet. Perdu. Ah après oui, c'est vrai que il y a une chose qu'on n'a pas parlé. C'est ouais, et on va en parler. C'est Fury qui me fait penser. C'est pour tout ce qui est jeux console portable. Ah. Alors moi, il y a un truc. Vous allez rire, mais des fois, quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas dans le délire de la collection de jeux vidéo, ils peuvent vous trouver des solutions, mais... Et je ne me suis pas encore amusé à ça, mais je ne me suis même pas amusé à regarder. C'est un présentoir, en fait, pour mettre des... Ah, comment ça s'appelle ces trucs? Des trucs de vernis à ongles. Ouais, des trucs de maquillage, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et en fait... ils sont. J'ai une amie qui a ça, elle l'a ramené la fois passée, elle m'a dit, mais ça irait ça. Et c'est vraiment excellent. Il va falloir que je regarde quel modèle est, pour quel modèle et combien ça coûte, et je pense que je reparlerai. Sinon, après, si vous voulez faire à la barbare, il y a les fameuses boîtes de bonbons, en fait, que vous trouvez, enfin, que vous voyez parfois chez les. Chez les boulangers ou des choses comme ça. Les boîtes à cookies, et vous mettez tous les jeux dedans, vous vous faites pas chier. C'est assez rigolo. Une boîte de thé. Comment ? Dans une boîte de thé, les amis, c'est joli. Ah ouais, totalement, totalement. Ah non, ça rentre, hein, clac, clac, t'en mets une petite dizaine dedans, en plus, c'est cool. C'est la photo qui s'appelle Salon, moi, dont je parlais. Ah, une photo qui s'appelle Salon, mais je ne l'ai pas. C'était dans le zip. Eh ben, je ne l'ai pas. Et pour de vrai, hein, je déconne pas. Hein. Ok, non. On parlait tout à l'heure de Agane et des jeux en loose de manière générale, des jeux portables. Donc j'ai une photo avec des jeux Super Nintendo dans un tiroir. Agane. Et là, par contre, les jeux Super Nintendo, je ne sais pas si vous avez trouvé une solution. Boîte à chaussures. Oui, mais le problème, c'est que on voit pas le titre du jeu. Oui, bah, mais après, quand on a beaucoup, effectivement, alors, quand tu manques de place, la boîte à chaussures. Pour ça, il y a deux solutions. Il y en a qui ont imprimé leurs propres étiquettes dans le vraiment un look SNES pour pouvoir les coller au-dessus. Et sinon, il y a les jeux US. Ouais. Ce que j'avais fait, sinon, comment ça s'appelle ? Les étiqueteuses, la marque Browser, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, ouais. Et voilà, les dima, en gros une dimo, voilà, j'avais fait carrément ça moi pour 80% de mes jeux. Et j'ai fini par tomber à court de ruban, j'ai jamais continué, ça va faire 4 ans. Ce qui fait que je sais maintenant quels sont les jeux que j'ai achetés ces 4 dernières années. C'est assez rigolo. Et ouais, pour les jeux en loose sur la Super NES, c'est horrible. Ouais, voilà. Donc j'ai mis des petits cartons intercalaires au milieu des jeux Super NES pour les lettres, pour séparer les lettres. Ouais, c'est pas con. Hein. Mais le problème, c'est que vous voyez pas le nom du jeu. Ouais. J'ai vu que certains Américains avaient fait ça. Ils ont des sets d'étiquettes à coller sur les jeux Nintendo 64. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Ouais. Ah, pardon. Mais est-ce que ça existe pour les jeux SNES ? Tout à fait, si. Oui, ça existe. Parce qu'il y en a qui ont justement, ils se sont rendus compte que pour les jeux PAL, ils en avaient pas. Ça, donc ils l'ont fait. Ah ouais, ça m'intéresse, grave. Ça existe pour les jeux du coup 64, NES, SNES, pas NES, y a pas besoin normalement. Jaguar. Non, plaisant. Je sais pas. Et le mec qui vend ça, je crois, pour 10 ou 20 balles, t'as les étiquettes du full set NES en fait, SNES, tu vois, et puis je pense que tu peux en avoir moins, payer moins cher et en avoir moins, enfin. Mais ça va, c'est pas mal. Et c'est propre, ça donne vraiment un rendu. Comme si c'était d'origine. Après, sinon, je sais pas s'ils les font pour la Super Nintendo, mais je pense que ça existe. J'ai vu qu'il existait un présentoir de 5-6 jeux au format Famicom qui tu pouvais imprimer via une imprimante 3D. D'accord, peut-être. C'était aussi une solution, tu vois, pour stocker tes jeux, genre par série. Si tu as une série de 5, par exemple les Megaman ou un truc comme ça, plap, tu les cales. Bon, même si au Japon, ils en ont 6 sur NES. Mais moi je dirais, Beyond, avec ton système, tu peux faire le gros port et tu mets un intercalaire par jeu. Ouais. Donc, bourrer les intercalaires. Après, c'est le problème aussi, c'est. J'essaie de t'en retrouver ça aussi, moi. Si t'as deux ou trois jeux à rajouter au milieu des autres, ça te décale tout et c'est comme les jeux Mega Drive par ordre alphabétique. Oui, Les jeux Mega Drive par ordre alphabétique, c'est rigolo quand t'en as 500 à déplacer. Oui, c'est la misère, c'est la misère. Et je t'ai mis sur Discord la photo salon que t'étais censé avoir. D'accord. Eh bien, écoute, vu que j'ai la flemme, je ne la mettrai jamais. D'accord. C'était pour montrer un meuble fait sur mesure avec différentes tailles de. Attends, j'essaie de la mettre. Hein. De différentes tailles d'étagères. Montrer qu'en haut, j'ai fait en sorte de mettre des jeux DS, 3DS et qu'en bas, j'ai fait en sorte de mettre des étagères plus grandes pour mettre des jeux PS3, Wii et Wii U. Alors. Ouais, j'essaie de vous mettre c'est ça. C'est moi qui l'ai fait. Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait. J'espère qu'il y en a qui comprennent la référence là. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Mais... Voilà, oula. Moi, ouais, je vois pas encore là. Ouais, voilà, c'est mieux là. Ouh. Oui, c'est grand. Avec mon super camion, c'est pas sorcier. Ami Marcel. Voilà, et ça, c'est un meuble fait sur mesure. Alors, forcément, il ne va pas vous coûter extrêmement cher, c'est-à-dire vous allez vous en sortir pour une centaine d'euros tout ensemble, et encore en prenant du bois de bonne qualité, c'est-à-dire du bois brut. Mais il vous faut, il va falloir peindre, il va falloir éventuellement un peu poncer, il va falloir... Ah, c'est clair, c'est clair qu'il va falloir un petit peu de savoir-faire. Quoi. Tout ce que je ne sais pas faire. Un petit peu d'huile de coude et... Voilà. Par contre, je sais que vous pouvez le faire exactement comme vous voulez. Je retrouve vraiment pas les labels, enfin les end labels. Alors, j'ai retrouvé pour sur le chat, j'ai mis alors pour la 64 par exemple, ça peut ressembler à ça. Sur Etsy, putain, j'aurais dû regarder. Ouais, Etsy, c'est Etsy. Ouais. J'ai regardé partout. Super NES, c'était sur Etsy aussi, hein, mais je retrouve plus la recherche que j'avais. Pas grave, je vais essayer de chercher ça en pendant. Mais pour 64, ça peut donner ça. Et il y en a plusieurs hein, qui font. Donc il peut y en avoir des différents. Hein. Je vais même hésiter à les acheter pour la 64. Après, l'autre problème qu'on a forcément à partir d'un certain nombre de jeux, c'est qu'il faut se dire que ça va être difficile que tous les jeux soient visibles et attrapables facilement. C'est-à-dire la plupart de mes photos, il y aura toujours au moins deux rangées de jeux sur la profondeur. Parce que forcément, la place n'est pas infinie et qu'il faut bien essayer d'optimiser un petit peu. Alors c'est triste parce qu'on se dit qu'il y a toujours la moitié des jeux qui ne seront pas visibles. Mais on ne sait pas. Enfin voilà, j'ai pas trouvé de meilleure idée pour l'instant, à part avoir une pièce beaucoup plus grande. Ouais. Après, de toute façon, c'est toujours le dilemme de la collection. Tu auras beau faire ce que tu veux, il y aura toujours des choses que tu vas pouvoir mettre en valeur et d'autres non. Si tu as une des photos, moi, c'est la Saturne. Tu as des jeux Saturne avec des trucs derrière. Tant qu'on a parlé de la 64, il y a une chose, je voulais parler la fois passée, vite fait en news. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Faites très gaffe, il commence à avoir une démocratisation des cartes mod et des bootlegs. Sur 64. Ah oui. Il y a un Ricain qui vend une sorte de bidule qui permet de faire ce qu'on veut avec les cartouches. Et maintenant, si vous achetez des jeux qui valent vraiment très cher, soyez très très très très, très prudent. Parce que en gros, quelqu'un qui aurait zéro savoir-faire, il prend le machin, il est capable de faire une contrefaçon. Ok, donc comme sur Neo Geo, des cartes mod qui arrivent. Mais pire encore, hein, Beyond, pire. Là, c'est en gros, tu prends le PCB, tu le fous dans l'adaptateur que le gars vend, tu balances un petit programme à la con qui t'écrit le truc et voilà. Donc oui, la photo que vous voyez là, en fait, l'idée, c'est que avec la profondeur des meubles qui font 70 cm de profondeur, je mets tout ce qui est accessoires, console, tout ce qui est pack en boîte à l'arrière et je mets les jeux par ordre alphabétique devant. Donc, sur le coup, ça permet d'avoir tout le matos derrière. Les jeux disponibles... Bon, par contre, le souci, c'est que quand vous voulez sortir les Twin Stick, forcément, vous devez trouver à manipuler pas mal de jeux. Quoi. Mais en attendant, tout est rangé et c'est relativement clean quand on regarde la collection. Quoi. J'ai fait la même chose avec les jeux Dreamcast. Voilà. Sauf Seaman que j'ai mis devant, je crois, pour le délire. Ah, Seaman, c'est normal. Ah oui, mais c'est parce que c'est Seaman. C'est Seaman, quoi. Ah putain, non, l'angoisse. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il s'appelait David Seaman? C'était pas un gardien de but, ça, David Seaman? Arsenal. Si, merci. Grand gardien d'Arsenal. Voilà. Eh oui, David, avec sa moustache, mais oui, bien sûr. Bah, attendez, pourquoi j'aime ce joueur? Voilà. Oui, mon assistante me rappelle que pour que les jeux à l'arrière soient visibles quand on fait deux rangées de jeux, c'est de mettre juste une petite marche sur les jeux qui sont derrière, de trouver le moyen de les surélever. Ouais, avec une planche. Vous pouvez faire ça avec du carton, des trucs comme ça. Il y a pas, c'est pas polystyrène, ouais, ou un truc comme ça. Compliqué à faire et ça passe bien. Hein. Pareil pour les petites figurines, c'est Dova, s'il nous regarde, il se connaîtra. Qui a pareil pour ses amiibo, il les a mis sur les premiers, il les met sur rien, et puis les deuxièmes, un petit piqué d'estal en carton, etc. Il a repeint le carton de la couleur de son meuble pour que ça se voit pas, et puis hop, ça passe super bien. Alors, tiens, on peut évoquer cette question extrêmement délicate, les amiibo en boîte ou pas? Honnêtement, je les ai enlevés des boîtes, mais j'ai gardé les boîtes. Moi, j'ai revendu 60% de ma collecte Amiibo. Moi, les Amiibo, je les enlève des boîtes parce que, franchement, avoir des trucs comme ça dans les boîtes, tu rentres chez toi, t'as l'impression d'être à Toys R Us. Oui, voilà, ouais. Je trouve pas ça très plaisant. Non, bon, mais après, voilà. Et les seuls trucs du genre que j'ai laissés dans les boîtes parce que j'ai pas envie, c'est les Hot Wheels Atari et Nintendo. Parce que très clairement, je sais que je vais pas remettre 80€ pour racheter un set et les faire venir des États-Unis. On parle des Amiibo spécifiquement parce que les Amiibo, c'est le truc, on savait pas si ça allait marcher ou pas. Et maintenant, ceux qui, comme moi ou Petite Pelle, sont compulsifs, on se retrouve quand même avec deux ou trois Amiibo qu'on sait pas trop quoi en faire. Compulsifs, non, c'est pire que ça. Je comprends l'angoisse de Moa. Et l'angoisse de Buzz l'éclair, hein. C'est ça, Lucine, un petit peu, quand il voit tout en bas. Bah, en fait, ouais, c'est presque ça, en fait, mais c'est pas tout à fait ça, c'est juste que moi, je suis chez moi, Colette, t'as parlé d'un truc tout à l'heure, je vais mettre un lien, tu vas me dire si ça te fait penser à ça, des boîtes pour jeux Super NES, là. Ah non, ça, c'est une boîte à chaussures. Merde, j'ai pas copié le bon lien. Bravo, monsieur, voilà, vous êtes formidable. Déclat pas. Je refais. Ça marche aussi. Bravo, c'était magnifique. Ça marche parce aussi, que moi, mais c'est pas ça que je pensais. Moi, j'avoue que j'espère que Pelle va m'aider pour une fois. Je garde tous mes Amiibo en boîte. Alors moi, j'en ai pas des masses, du coup, je les laisse dans les boîtes, effectivement, parce que je trouve que les fonds sont trop stylés. Mais c'est sûr que dès que tu commences à les garder avec les boîtes et que t'en as beaucoup... Ce que vous pouvez faire. Faut la place. Un cutter ou au mieux un scalpel, vous ouvrez la boîte par le bas, proprement, vous faites en sorte de garder un rabat pour comme quand vous avez envie de le ranger dans sa boîte, et ben ça tient toujours. Et ça marche nickel. J'en ai fait avec plein et ça marche plutôt pas mal. Ça ouvre la boîte. Au bout d'un moment. J'avoue que les Amiibo, je sais plus ça quelque part. Bon, quelque part, je sais qu'il va nous écouter, mais pour le coup, de temps en temps, c'est bien de lui envoyer une crotte de nez. Combien je connais de personnes dans mon entourage qui ont eu des NES Mini avant que je galère à en avoir une, pas parce que je la voulais, mais pour le boulot, qu'ils ont jamais sorti le truc de la boîte. Ouais, mais tu comprends, ça va faire de sa valeur. Je crois qu'il y en a un où je lui ai dit, si je te colle une tarte en plein sur ton nez, est-ce que ton nez, il va perdre de la valeur, quoi, voilà. Au bout d'un moment, on en est là. En même temps, il y a quoi. Beaucoup de gens qui collectionnent et qui, effectivement, ne veulent pas ouvrir et garder l'objet intact. Voilà. Et il y en a pas mal, hein. Exactement, exactement. Il y en a beaucoup, c'est comme le blister, hein. C'est la même chose que les jeux sous blister. Hein. Là, il a mis une photo dans le chat, c'est un bon compromis, hein. Ah, je n'ai pas regardé. Et j'avoue, là, je trouve ça stylé. Ah, effectivement, ouais. Là, moi, j'avoue que ça rend joli, comme ça. Non seulement il y a de l'idée, tu vois, que c'est pas... C'est vachement beau. Par contre, si tu peux mettre la photo, moi, tu vois, sur le... Sur la VOD, ce serait excellent, ouais. Moi, je valide aussi, totalement. Ils puissent voir de quoi on parle. Alors, l'image s'appelle 41, très bien. Mais ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Vous pouvez continuer de parler. Hein. Oui, après, bien sûr, il y a la problématique du comment. Mais le problème, c'est qu'il y en a que 21 à niveau. Là, par contre, ouais, voilà. Avoir un meuble de 100. Attends, il y en a combien maintenant? Mais 125, j'ai pas vu, je crois. J'ai vu sur Amazon, ils vendaient une vitrine spéciale pour jouer, qui n'était pas très chère, hein, genre une petite cinquantaine d'euros. Et j'ai vu quelqu'un qui avait fait un display avec ses Amiibo. C'était vachement la classe. Et je pense qu'il y a moyen de faire un délire comme ça ou mettre derrière, voilà. De... Mon père a ça. Mon père collectionne. Ouais, c'est bizarre ce que je veux dire. Mon père collectionne les mignonnettes, hein, c'est-à-dire les bouteilles d'alcool en petit format. Et il a ces vitrines qu'on achète qui sont vitrées de tous les côtés, qui pourraient bien aller pour des Amiibo. J'ai mon dentiste, lui, il collectionne les soldats de plomb. Alors quand tu rentres là-dedans, tu dis. Ok, d'accord. Bon, il va m'arracher combien de dents aujourd'hui. Mais tu regardes les soldats qui collectionnent du plomb, c'est drôle. C'est très poétique, exactement. En fait. Exactement. Et c'est pour ça que tu regardes les plombs. Et combien de fois je me suis posé la question du est-ce que c'est les plombs qu'il arrache en fait. Il fabrique des soldats avec durant ces moments perdus. Je lui ai posé, je crois, une fois la question. Mais bon, je le connais depuis 30 ans maintenant. Mon père n'est pas collectionneur. Il s'est foutu de ma gueule quand je lui ai demandé ça. Mais Je dis... Il m'a dit, bon, il m'a dit, allez, arrête de faire le clou, les montres sur le fauteuil. J'ai dit, d'accord, c'est gentil. Après, il y a une autre problématique de collectionner, c'est bon, collectionner des consoles en boîte, ça, c'est parfois compliqué, mais comment on range ça en loose, quoi, comment on les stocke? Ah, stocker les consoles en loose. Ah ouais, là, ça par contre, c'est vraiment compliqué. Alors j'avoue que moi, le truc, c'est que je les stocke dans des... Enfin, pour les... J'ai un carton de câbles Sega, un carton de câbles Nintendo, un carton de câbles Sony... Et après, les consoles, elles sont stockées dans des cartons fermés. Cartons fermés et boîtes plastique hermétique. Moi, ce que j'ai fait, c'est je les ai mises, toujours pareil, hein, nous, on vit dans un appart pas très grand, et du coup, je les ai mises, vous savez, il y a des espèces de cubes pouf pour le salon. Oui, oui. Et je les ai mises là-dedans. Et je referme, et du coup, elles sont toujours aussi pareil, accessibles facilement, et en plus, ça fait un truc sur lequel on peut s'asseoir. Alors, j'avais commencé, c'est très bien. Mais le jour où t'as un clown qui l'oublie que le pouf il fait pas 200 kilos et qui monte dessus, son pied passe à travers. Ah oui, non mais ça j'ai une combine moi, basé sur une histoire, il met des punaises sur le pouf tout de suite. Voilà. Ça c'est un truc qui m'est vraiment arrivé. Bon ça va, le matériel qu'il y avait dedans avait rien. Mais... Donc après ouais, il y a la solution de stocker dans des boîtes. On pourrait appeler ça des boîtes encore Ikea, on va quand même pas faire la pub non plus. Mais si vous allez à Action, il y a les boîtes qui s'appellent des Dragon Box, je crois, un truc comme ça. Le truc que tu m'as filé en photo. Ouais, je te retrouve ouais. Ça. Bon, là après, j'ai pas pris la meilleure photo, c'est juste que j'ai pris la première boîte qui est venue sous la main, parce que j'avais pas énormément de temps pour prendre la photo. Voilà, fermé, ça ressemble à ça. Et voilà. Quand on l'ouvre, hop, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là dedans, on peut voir quand même, ouais, voilà, c'est 4 euros je crois pour 2 boîtes ou 3 boîtes. Je me souviens plus exactement. Alors par terre, il y avait moult bordel quand j'ai pris la photo, donc bon, voilà, faut pas trop faire attention. Et dedans, donc là, j'ai pris l'exemple le plus chiant, à savoir une console qui fait chier au niveau des dimensions, à savoir une ColecoVision. Donc j'ai foutu les manettes sur le côté et on peut même apercevoir en haut à gauche la pire manette de tous les temps, la manette Rocky sur Coleco. Donc après, dans certaines de ces boîtes, c'est assez pratique parce qu'on peut foutre des fois 3 exemplaires de la même console par au-dessus. Ne me dites pas que ça n'arrive pas, ça arrive des fois d'avoir 3 Super Nintendo ou 3 NES, voilà, ou même 7 Mega Drive, ça peut arriver. Donc voilà, c'est une possibilité, c'est une solution. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez les empiler. Mais c'est un budget quand même. Chez Jiffy, il y a quelques temps, mais en très grand format qui était d'une couleur orange dégueulasse avec des couvercles verts dégueulasses, et le problème c'est qu'elle supporte absolument pas le poids. Voilà, trop grand, ouais. Ça supporte pas le poids. Les boîtes Action, très clairement, elles supportent pas le poids. Ils font les mêmes boîtes chez Ikea qui coûtent par contre une couille, faut l'avouer. J'en ai acheté pour des besoins professionnels en 3 ans à les transporter n'importe où. Sur la vingtaine que j'ai dû acheter, j'en ai cassé que 2. Dont une en faisant le con, en voulant poser mon pied au-dessus pour prendre autre chose. Mais les Dragon Box, voilà, si vous mettez des petites choses dedans et que vous ne faites pas le zoulou avec, c'est relativement correct. Voilà. Pour revenir à cette notion de poids... Mais sinon, attends, une dernière petite chose. Sinon, il y a un fabricant qui vend des cartons un peu custom. Ah, comment ça s'appelle ? Baja, je crois quelque chose comme ça, non ? Raja, merci bien. Voilà. Ils font des cartons un peu custom, un peu sur... voilà. RGA. Ils font des cartons un peu sur mesure et ça peut parfois dépanner. Voilà. Mais bon, vous attendez pas par contre là à des trucs très très solides. Voilà. Mais pour le coup, ça revient car si vous tablez sur la durée, autant investir dans des boîtes comme il y a là sur la photo. Mmh. Donc je parlais oui par rapport au poids. Une des autres choses qu'on collectionne en tant que collectionneur, ce sont les guides. Ah moi non. Tout ce qui est littérature, attention, surtout pas sur du contreplaqué. Ah, oui, ah ouais, non, pour les livres, balancer la max hein, en termes de qualité. Moi, j'ai t'as une des photos que j'ai, là, celle où il y a tous les guides de jeu. C'est un meuble que, bon, qui est acheté sur un vide-grenier, peu importe. Mais c'est du massif, c'est d'une fabrication industrielle, c'est pas un truc fait YOLO. Le meuble, il tient, hein, le meuble, il est indestructible. C'est du massif, ça ? Oui, ça, c'est du massif. Moi, je peux pas trop. Enfin, je fais des cumuls. Alors, par exemple, Pulpi, qui s'y connaît mieux que moi, dit non. Bah, ça ressemble pas à du massif, ton truc. Pour moi, on dirait du copeau compressé, mais. Attendez. Vous pouvez. Non, mais attends, c'est complètement discriminatoire. Si c'est ça, je m'en vais. Non, mais genre, voilà, t'as pas l'air d'un massif, donc t'es pas un massif. C'est ça. C'est bah, franchement, très pour bien. Moi, c'est pas très du bien. Massif, ça. Bah, mais, même dans le chat, c'est unanime. Hein. C'est pas du massif, mais c'est costaud, celui-là. Merci, Pulpi. Bah, ça, je dis pas que c'est pas costaud. Je dis pas que c'est pas costaud. Mais ouais, moi mes guides, je les fous dans les étages du bas, en fait. Pour être sûr, en plus. Ça cale bien ça cale bien l'étagère en plus et. Je veux dire que malgré les bouquins ça fait 2 ans qu'ils sont dedans, les armoires les étagères ont pas commencé à bouger. Les packs, je mets pas autant je mets pas autant de poids dedans, ça gondole déjà quoi. Mm. Donc voilà, je sais que celui-là il est fiable parce que forcément les guides au bout d'un moment ça pèse un âne mort, c'est normal, c'est du papier. Déjà, je me suis amusé, j'ai pris 5 livres donc, de jeux vidéo et puis un autre aussi pour les vacances. Je me suis amusé à peser tout à l'heure. J'en suis à 9 kilos pour 5 livres. Donc, ouais, tu vois. Par contre, tu vois, à mon avis, là-dedans, il y a quasiment la taille d'un humain. Il y a un truc que je n'arrive toujours pas à ranger, je ne sais pas où le foutre. C'est cette saloperie de guide officiel prestige de Breath of the Wild. Il mesure combien ce oui. truc? Trop. 70 cm? Non, peut-être pas quand même. Trop, mais... beaucoup, ouais. J'ai un bouquin comme ça que j'ai dû ranger en fait sur la profondeur de l'étagère et pas sur le côté. C'est horrible. C'est le guide de Castlevania Lords of Shadow 2. Il est super large, il rentre même pas dans les étagères, je sais plus quoi en faire. il pèse des poids d'un âne mort, mais c'est exactement ça. Tu ouais, sens le fait. Truc. Y a pourquoi pire... vous faites des dimensions bâtardes, putain. Mais il y a pire que ça. C'est les bouquins, et Pelle, il doit connaître forcément les bandes dessinées au format à l'italienne. Tu vois, oui. Putain, ouais, comment ouais, c'est ouais. chiant à mettre dans une étagère. Comment c'est chiant à ranger dans une étagère, ça. Mais merde. Ouais, j'ai 3 ou 4 albums de Larsenet comme ça. Mais... Ah putain, j'aime bien ces albums, c'est pas le problème. Mais comment je les range, quoi. C'est vraiment bah, problème façon, résolu, on les achète plus. Ah, totalement. Oui, c'est un peu ça. Ah oui. Alors, Fury pose une problématique intéressante du collectionneur également. Ouais. La poussière. Ah, ouais. Elle fait partie intégrante de la collection. Ah bah oui. Oui. Ah, oui. Évidemment. Et moi, ma belle-mère, à chaque fois qu'elle passe à la maison, elle dit « Ah, mais dis donc, je rentre dans votre salon, j'éternue, il y a trop de poussière. » J'y vais, je sais pas quoi faire. Bah, vas-y, si t'as le temps de te plaindre. C'est parce que t'es trop gentil. Moi, j'ouvrirai la porte et je lui donnerai déjà le plumeau. Mm-hmm. Je dis quand même bonjour, hein. Bonjour belle maman, mm-hmm. Tiens, voilà le plumeau. Mais c'est vrai que bah, les amiibo, j'en parlais, moi en fait, j'ai une vieille cheminée qui ne sert plus, avec un grand rebord dessus. Et j'ai collé tous mes amiibo alignés dessus, en boîte. J'avoue que si je devais faire la poussière pour la nettoyer, il faudrait que je le fasse toutes les semaines. Mais c'est tellement long et compliqué que bah, je ne le fais jamais. Donc, sur le coup, ben, il y a de la poussière dessus. Et du coup, il a de la collection d'amiibo, mais délavée. Non, par contre... En 50 nuances de gris, c'est ça ? Tout va bien, il y a juste une petite... Après, c'est une petite couche de poussière, c'est de la poussière sympa. C'est pas la grosse poussière, vous voyez. C'est de la poussière sympa, quoi. Ouais, non, mais il y a la poussière, il y a la mauvaise poussière, il y a la bonne poussière. Moi, je suis à la campagne, j'ai pas de poussière méchante comme en ville. C'est la poussière méchante. Alors nous, on a la poussière et les poils de chat, évidemment. Ah, les poils de chat, les calvaires. Et ça aussi, putain. Comme dirait Bort, alors, tu l'enlèves, ça revient. On réclame à la collection notre petite culotte de la petite peine. On veut surtout voir son collecteur Galgan. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il y a pourtant un homebrew sur Atari 2600 qui rend hommage à ça. Donc... Je dis rien. Et dont j'attends l'artwork pour t'envoyer le jeu, ça fait un an. Oh, j'avais oublié. Et je rigole. Ah, quand tu auras le temps, quand tu auras le temps, Pélou. Ah là là, j'ai complètement zappé ça. Et tu sais quand je m'en suis souvenu ? J'ai tourné une vidéo cette semaine sur justement faire le tour annuel et traditionnel de la collection et je suis retombé sur deux cartouches Atari où il n'y a pas d'étiquette. Bah oui. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Bah oui, c'est ça. Oh là, mais merde. Oh, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et c'était bien fait en plus. Un jeu de qualité. Ah oui, totalement. Oui. Dont le développeur n'a jamais corrigé les bugs. Hey, je pourrais travailler pour Capcom en fait. Hein. Donc, ouais, ah ouais, la farine aussi, ouais, c'est chaud. Après, on parlait du fait d'arriver à bien voir les jeux, tout ça, dans les. Dans les tiroirs aussi, il y a une dernière photo que je t'ai donnée moi avec les jeux PS2, où là on voit finalement que ces grands tiroirs très profonds, bah, ils sont vachement bien pour les jeux PS2. Parce qu'il suffit donc de les classer comme vous voulez, hein, avec juste la tranche vers le haut. Et là, bah, pour ces jeux-là, c'est super, tu as tout ton tiroir, tu as tous tes titres directement sous le nez. S'ils sont classés par ordre alphabétique, tu as juste à trouver la bonne lettre. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Par contre, sur le coup, c'est sûr que quand tu as. Enfin, c'est pas une pièce. Voilà, c'est pas une pièce sur la, où quand tu rentres, tu vois les trucs. Il faut ouvrir des tiroirs, tout ça. Il y en a qui veulent présenter ça comme si c'était un musée, un petit peu, la collection. Là, par contre, c'est vu la taille du tiroir, vous voyez le nombre de jeux PS2 qui rentrent dedans. Vous avez de la marge avant de remplir un tiroir complètement. Après, c'est ça aussi qui est bien que la collection, c'est qu'on a chacun des façons de collectionner, de stocker et tout machin. Il y a les gens où pour eux, tout ce qu'ils ont, c'est forcément une pièce de musée. Mais les gens qui disent, bon ben, j'ai ça dans ma collecte, j'en fais pas un drame, et puis voilà. Alors, le guide Prestige fait plus de 2 kilos, il fait 3 kilos, 600, je crois que c'est. On avait pesé, tu te souviens ? Parce que moi, j'ai que ça à faire, je pèse les guides. Et donc... Fury a raison, on avait vu une photo il y a quelques temps, où, je ne sais plus, un article de presse, où il y a un mec qui avait transformé, je crois que c'était son sous-sol. Bon, là, je pense qu'on était vraiment dans la folie des grandeurs, ou d'un type qui ne savait plus quoi faire de son blé. Quoi, mais... Après, voilà, l'idée, c'est que ben, moi, je fais partie des privilégiés, clairement, c'est-à-dire que j'ai de la place. J'ai le privilège d'habiter à la campagne, donc d'avoir une pièce qui est consacrée au jeu. Je comprends que en ville, ça doit vraiment être beaucoup plus compliqué. Donc, présenter tous les jeux, avoir une pièce où tu rentres, où tu as vraiment tous tes jeux que tu vois, c'est bien quand tu as de la place. Mais... Oui. Ou alors, tu es obligé de faire comme moi, ça déborde sur ton salon, ça déborde sur ta chambre. Tu dis la seule pièce où il n'y en a pas, c'est dans les toilettes, quoi. T'as de la place, oui, non, t'as de la fille, place. Ma fille dans la cave, ça marche très bien. T'as de la place, mais ça n'empêche pas qu'à droite, là, moi, je vois un carton de la collector de Breath of the Wild qui traîne par terre. Hein. C'est pas très propre. Hein. Si tu savais... Vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Il y en a dans toutes les pièces, même si on a... Ah, moi, je dis rien, moi. J'ai le truc de FF12, là, en visu, là, je l'ai. Même dans les toilettes, table, j'ai foutu mon carton, tu sais quoi, la mire. Non, pas dans les toilettes, c'est humide. Ah oui, c'est vrai, c'est la pièce. Oui. Les pièces humides, il faut pas. Ah bah non, oui, rien dans les. Mais ouais. Ah non, pourtant, nous, on se soque bien dans les toilettes. Hein. Les jeux de merde, alors. Ouais. Elle était facile, ça, elle était nulle. J'ai seulement une horloge d'œuf dans les toilettes. C'est tout. Voilà, après, je ne sais pas quel sera l'avenir pour moi personnellement. C'est-à-dire que là, avec le boom du rétro, il y a un gros avantage, c'est que la situation, le nombre d'achats a considérablement ralenti personnellement. Donc, je ne sais plus trop. On va dire que la place, c'est plus trop un problème. Enfin, maintenant, je pense que... Bon, je vais rassurer ma femme en lui disant que le plus gros a été acheté ces dernières années et que maintenant, ça va se calmer. Est-ce crédible ? Malheureusement, vu qu'on continue à acheter des consoles récentes et des jeux récents et des collecteurs récents, Omidi Moa, il vient de recevoir la FF12. Ouais. Ça prend un peu de place, non ? Ouais, au carton, il est bizarre. En plus, il est super long. Encore, on collectionne, nous, principalement, du jeu console. Imagine le mec qui collectionne les jeux Big Box sur PC, Amiga, Atari ST, compagnie. T'imagines la place que ça prend. Ah, c'est Metal Jesus Rocks qui en a plein. Il oui, voilà, ouais. Oh. Ah ouais. Ah, ah oui, c'est ça. Et c'est... Ouais, c'est bah, ça non, il y a lui, il y a aussi un autre YouTuber, Lazy Game Review. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas. J'adore ce qu'il fait. Il fait parfois les trucs totalement inconnus. Ou genre, il va te raconter l'histoire de Mad Cads ou des trucs comme ça. Et c'est assez bien foutu. C'est en anglais, bien sûr. Mais... Et le mec, il collectionne que de l'ordi. Que de l'ordi. Mais c'est violent. Je collectionne les CRT, comme il dit Furim. Hein. C'est vrai que même les grands CRT, les gros CRT, il faut quand même. Ça demande quand même une réflexion avant de bien avoir sa pièce comme il faut. Parce que moi, j'ai la chance, je peux en mettre plusieurs dans ma pièce. Mais un CRT de 82, 60 ou 80 cm, aujourd'hui, ça prend une place considérable. Quoi. Après, tant qu'on en a parlé d'aménagement, de rangement, il y a aussi une question aussi qui est très intéressante, c'est dans quelle mesure on a le droit d'embellir une pièce de collection, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Ça, dépend de ce que tout. Tu aimes. On ça dirait un sujet d'édito jeux vidéo. Quoi, non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment, il y a eu une... pour moi, c'était même pas une controverse. Hein, c'est... Pour moi, le jeu, tu l'as acheté, il t'appartient, voilà. Si tu as envie de refaire l'étiquette parce qu'elle est totalement arrachée, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux avec. Tu parles aussi des repros de boîtes ? Non. Les mecs qui s'amusent à refaire des étiquettes, mais voilà. Il y a un YouTuber aussi qui s'est fait, on parlait de tacle, qui s'est fait tacler là-dessus il n'y a pas longtemps. Bon, c'était pas un Français. Mais ça a fini par un article sur Kotaku quand même. Alors que le mec, il avait fait des repros d'étiquettes pour Pitfall sur Atari 2600, c'est-à-dire un jeu qui vaut rien, et un jeu de catch totalement pourri sur NES, un jeu qui vaut rien. Donc des fois, est-ce que c'est pas mieux d'acheter ces jeux qui valent rien en meilleur état, plutôt que s'amuser à refaire des étiquettes ? On n'est pas nous non plus dans une collection comme ceux qui collectionnent des flippers. Les mecs qui collectionnent des flippers, ils aiment bien t'expliquer ce qu'ils ont refait. Mmh. Alors que nous, c'est forcément l'authentique. Les voitures, c'est différent. Oui. C'est-à-dire que tu as forcément l'idée de restauration derrière. Ouais. Les consoles, on n'en est pas encore là. Quoi qu'on y vient. Si, t'as ces conneries de Retrobrite. T'as ceux qui s'amusent à refaire des labels, des machins, des trucs comme ça. Ceux qui, par exemple, changent les badges sur les Commodore 64. Le badge, il est mort, allez, pouf, on a arraché un, et puis basta. Oui, mais ça commence, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il y a encore suffisamment de consoles en circulation, en bon état de marche, pour pas qu'on ait à mettre les mains dans le cambouis dès qu'il y en a une qui lâche. Ouais. On a cette chance-là, quand même, pour l'instant. Mais, dans l'avenir, c'est sûr que c'est du matériel qui va forcément venir à péricliter à un moment ou à un autre. Après, tu parlais des voitures. Effectivement, les voitures, t'as... Mais dans les voitures de collection, tu as toujours un quota de ce qui est raisonnable et de ce qui n'est pas raisonnable à restaurer. Tu ne vas jamais voir un type qui va acheter une voiture de collection et pas, mais qui va s'amuser à tout refaire de A à Z. Parce qu'il y en a qui vont trouver ça débile. Il faut toujours garder une part d'authenticité là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'idée que je me fais de ça, quoi. En tout cas, je ne sais pas comment vous faites, vous, les gens, pour ranger. En plus, forcément, en tant que collectionneur amateur de jeux vidéo, je suppose qu'il y a plus d'entre nous qui achetons d'autres choses, parce que quand on aime les jeux en objet, on aime aussi d'autres choses. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les CD. Je ne sais combien de CD chez moi. Et c'est vrai que c'est... je ne sais pas comment expliquer. Je sais pas, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est normal d'après vous d'avoir l'attrait des objets alors qu'on pourrait tout avoir sur une clé USB aujourd'hui ? Ça dépend de l'âge que tu as. Ah, donc ça dépend de l'âge. Bah, disons que plus tu es vieux, plus tu as connu vraiment les objets et moins le départ, t'es attaché à l'objet. La génération de maintenant est un peu moins attachée à l'objet et ira plus facilement vers le démat. Okay. Tu penses que ce qu'on est en train de, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est qu'on est déjà des dinosaures qui. On commence. Que, ouais. Même si ça nous embête de le dire, oui, on commence. On commence. On voit bien que l'avenir est de plus en plus vers le démat, que tout tend à faire acheter du démat. Alors que paradoxalement, les tarifs des jeux cartouches n'ont jamais été aussi élevés. Oui, parce que les collectionneurs sont prêts à mettre le prix pour les avoir. Donc tu veux dire que les jeux vidéo sont vraiment en train de devenir une vraie collection aujourd'hui? Oui. Au sens comme une collection de timbres, comme une collection de livres. Exactement. Bah, il suffit de voir les prix à laquelle certaines pièces peuvent se vendre. Il suffit de voir la vente aux enchères Millions, hein, pour ne citer qu'elle. Hein. Mm-hmm. Voir à quel point, oui, c'est devenu lucratif maintenant, le jeu vidéo. Mm. Si tu veux une pièce bien particulière, il faut avoir l'argent pour l'obtenir. Alors, t'imagines, ça voudrait dire que dans quelques temps, par exemple, dans la prochaine saison de Pawn Star, ils diront, je ne suis pas très sûr de l'authenticité de la valeur de ce jeu, je vais appeler un expert et moi je vais arriver, salut Beyond, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ce jeu? Oui, écoutez. Oui. Le jeu est sorti en 74. Il vaudrait très cher si c'est un original. Par contre, inventé par George Washington. Voilà. Cette odeur de plastique me paraît un peu... tu vois le mec qui met son nez dans le connecteur. Ça pourrait être très drôle. Pimp My Ride. Mais si, pour customiser les consoles. Ma vieille SNES est toute jeune et toute pourrie. On va la faire en violet, ouais. Alors ça, moi, c'est un truc qui me fait chier, qui me fait hurler. Ouais. C'est ceux qui s'amusent à refaire, en fait, des consoles custom. Faites ce que vous voulez avec. C'est pas le problème. Mais venez pas m'emmerder avec ça. J'ai un ami qui en fait des conneries comme ça. Je sais pas, c'est comment dire. C'est comme je lui ai dit la fois passée, je vais t'acheter un vélo à Decathlon et tu vas m'en faire une œuvre d'art. Et il n'a pas compris. J'ai dit, mais oui, c'est un objet de consommation qui était produit à des millions d'exemplaires. Je vois pas pourquoi tu vas t'amuser à faire des bricolages avec pour le rendre unique. Ou alors c'est bien, mais tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi. Mais voilà. Tu sais, il y a des gens qui demandent. Hein. Les consoles custom se vendent. Il suffit de voir, on va faire un peu de pub à Vadou Amka. Qui fait très beaux objets. Ouais, mais à côté de ça, qui est capable de faire des trucs avec le Micromania, il me semble. N'est-ce pas? Et qui est capable aussi d'ouvrir un Tipeee pour offrir pas grand-chose aux gens, il me semble bien. Ça, sais pas. Moi, après, je te parle. Voilà. Tu me parles d'objets purs. Je te parle. Elle fait des belles pièces. Il y a des gens qui en veulent. Oui, je suis le gros con de la bande, pour ceux qui ne savent pas. Chacun fait ce qu'il veut, du moment que ça ne m'emmerde pas. Quand je vais dans des magasins où je vois un type qui est venu revendre une console qui a commandé à cette personne et que le vendeur essaie de faire une plus-value du double, là, par contre, ça commence un peu à me casser les couilles. Non, mais après, ça, tu l'as même dans le monde du rétro, hein. On parlait des gens qui achètent des jeux et qui achètent des consoles pour les revendre 5, 6, 7, 10 fois le prix. C'est pas tout pareil. Hein. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure avec c'est lucratif. Que le jeu vidéo, la collection devient lucrative, on y est. Maintenant, on y est de plein pied. Je suis d'accord avec toi, Icar, concernant le. J'aurais pas autant de cartouches en loose que ça. C'est vrai que j'aimerais que chaque jeu ait sa boîte. Hein. Ouais, mais après, comme je disais, refaire la boîte et tout, ouais, je trouve ça sympa. Par contre, tant que le mec derrière, il fait pas sa boîte et il dit pas ouais, c'est la boîte d'origine, machin, donc le jeu... Exactement. Comme beaucoup d'annonces qu'on voit actuellement. Oui. Tu vois, un truc genre discrètement, sur l'un des rabats de la boîte, à l'intérieur, si c'est marqué reproduction, ça me dérange pas. Mmh. À l'intérieur, un truc discret, tu vois. Voilà, discret, mais au moins... Que tu le marques, que ce mais soit par marqué. Contre, ouais, c'est moi, problème. Je suis un peu comme Beyond, j'avoue. J'aimerais bien aussi me dire, ah allez, coup de folie, je refais des boîtes pour tous mes jeux en loose. Mais le problème, c'est que là, ça prend deux fois plus de place, presque. Et oui. Y a pas mal de jeux, c'est long, c'est cher sans doute aussi. C'est compliqué. Par contre, on avait déjà parlé, je connais quelqu'un qui en a fait pour son délire personnel. Il a fait, je crois, deux ou trois boîtes. Putain, c'est la classe. Hein. Si c'est bien fait, si c'est vraiment fait dans les règles de l'art, le mec il sait ce qu'il fait, c'est propre. J'avais vu les boîtes, Styx, effectivement. David Carr et Styx aussi avait tenté de faire des reproductions au moment où ce genre de ça. Il en avait fait quelques-unes, mais il a peut-être continué, hein, mais sans mettre de photos sur Twitter. Et c'était sympa, hein. Franchement, c'était oui, sympa. C'était bien fait. Le carton, ça pouille avec le temps et l'humidité. Ah, ça dépend où ils sont stockés. Alors, on n'a pas, pas parlé du donc, mais sans, on l'avait déjà dit, l'ennemi numéro un de toute collection, c'est l'humidité. Non. Avant même le soleil, le sun fade, la poussière, tout ce que vous voulez, les pires, c'est l'humidité. Je dis toujours en rigolant, l'ennemi numéro un du collectionneur, c'est Nintendo et les boîtes en carton. C'est vrai. Non, mais c'est ouais. Vrai. Je sais plus à qui j'ai parlé ça un peu longtemps. C'est pour moi, les numéros. C'est sûr qu'avec les boîtes Mega Drive et Master System. Ah oui. Vous savez les petits sachets là, qui vous collent dans les boîtes de chaussures des fois ou je sais pas quoi ou dans les vêtements. Là. Oh, vous en collez deux trois dans le meuble. Il y a là, ça. Il y a la solution des humidificateurs, mais c'est vrai que globalement, il faut éviter de stocker dans une pièce. Enfin, vous savez, ça peut arriver. Nous, ça nous arrive dans notre chambre qui est au nord, par exemple. Lorsque l'hiver arrive avec l'humidité, on peut avoir des traces de moisissure qui apparaissent aux proximités des fenêtres parce qu'il y a un petit défaut d'isolation. Évitez ces pièces-là parce que ça va forcément faire du mal. Voilà, une pièce au sud qui sera bien ventilée. J'ai vécu pendant des années dans un appartement qui a bousillé des jeux à cause de l'humidité avec l'humidité. Je sais ce que ça fait et c'est vraiment le problème, un vrai problème, l'humidité. C'est vraiment pas cool. Parce qu'en plus, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, vu qu'on n'ouvre pas tous les jeux tous les jours. Et un jour, on ouvre un jeu, on se dit « Ah tiens, ça, c'est pas bien ce qui s'est passé. » Donc, voilà. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur ce sujet ou est-ce Non, je pense que... Non, après... Pierre dit qu'il ne faut pas fumer aussi. Et il a raison. Fumer, oui, ça c'est. Il a raison aussi. Ouais. Bah, en fait. Évitez de mettre le feu chez vous aussi. C'est mieux. On en a parlé très souvent. Pourquoi j'ai commencé à collectionner? J'avais arrêté de fumer. Il me fallait un nouveau vice. Donc du coup là, je suis pas prêt de recommencer quoi. Ça me ferait chier de vendre un jeu de quelconque dans ma collecte pour me payer un paquet de clopes quoi. Je me dis si je m'en bats à fumer, faut que je fasse l'inverse en fait. Donc je crois que c'est le moment traditionnel de parler d'un jeu, de raconter un jeu. Et il me semble que ce soir, c'est moi qui m'y colle. Ah oui, totalement. Raconte-nous un jeu. Alors, est-ce que c'est le nouveau jeu, trop Monica? Trop tard, temps écoulé. Au revoir. Merci, à la prochaine. Je vous sommerai de mettre les enfants au lit. Ah. Moi, je commence à savoir vers quoi on va pas dirige. Encore refaire les gens de Forésia. Quelques années. Quelques années avant, on est aux alentours de 2004. À l'époque, donc, il fallait s'installer avec madame dans un appart qui n'était pas franchement fantastique. Et j'avais un PC avec une carte graphique qui était déjà vieillissante, une GeForce 2 Ti qui faisait le taf mais qui commençait à tousser avec les jeux, et pas forcément l'argent pour acheter des nouvelles consoles avec des nouveaux jeux et suivre la tendance, entre guillemets. Ainsi, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant si j'allais dans le grenier chez mes parents, que j'allais rechercher mes vieilles consoles de jeux. J'étais déjà un gros adepte de l'émulation, mais il y avait une console qui me manquait en émulation, vraiment. C'est la Sega Saturn. À l'époque, l'émulation Saturn, ça n'existait pas. Il y avait quelques balbutiements, mais on n'avait rien de totalement fonctionnel. Vraiment, c'est une des rares consoles où vous ne pouviez pas y jouer en émulation. Donc, je suis allé chercher ma Saturn chez mes parents, et là, je me suis dit, il y a des jeux auxquels j'aimerais vachement jouer. Et le déclencheur de tout ça, ça a été Radiant Silvergun. Radiant Silvergun, je me suis dit, je veux jouer à ce jeu, j'ai vu son tarif déjà à l'époque, ça ne m'a pas plu, et j'ai trouvé donc un moyen d'utiliser, de swapper avec ma Saturn, en donc passant d'un disque normal à un disque gravé pour pouvoir jouer à des jeux gravés. Et j'ai enfin découvert Radiant Silvergun, mais ce n'est pas de lui dont je vais parler. Non, je me suis dit après coup, il y a plein de jeux Saturn que je n'ai jamais découvert, il faut vraiment, cette console je l'ai tellement aimée, il faut vraiment que je parte à l'exploration de ces jeux. Et il y a certains jeux sur Saturn qui ont existé au Japon, qui sont des jeux, coquins. C'est-à-dire qu'au Japon, donc, vous aviez le fameux système de classement, et parmi les systèmes de classement, vous aviez des jeux réservés aux adultes sur la Sega Saturn. Il y avait quelques visual novels, il y avait quelques petits jeux de drague, il y avait des jeux de puzzle, il y avait du Gals Panic, pour ceux qui connaissent les jeux d'arcade notamment. Et dans mes pérégrinations d'essayer tous ces jeux émoustillants, je suis tombé sur un qui m'a marqué, mais au fer rouge, au point que ça fait partie des rares jeux japonais que je possède aujourd'hui, qui s'appelle The Yakuken Special. Et donc, que tu vas te faire une joie d'écrire sur le chat. Alors, je vais te l'écrire. Un jeu aussi qu'il va falloir offrir à Pelle. Gals Panic, c'est mieux pour lui. Il y a le mot Gals. Gals Panic, ah oui, totalement. Hop, j'espère que je l'ai bien écrit. Ah bah, c'est pour ça que je t'ai demandé de l'écrire, pour que tu l'écrives bien. Et donc, ce n'est pas un jeu exclusif à la Sega Saturn, puisqu'il est également sorti sur 3DO. Mais la Saturn est meilleure, parce qu'on passe de 8 demoiselles à 12. Vous allez me dire, mais à quoi peuvent bien servir ces demoiselles? The Yakuken Special, c'est un simulateur de pierre-papier-ciseaux striptease. Oui. On n'avait jamais fait le pierre-striptease-ciseaux, tu sais. Et donc, à l'époque, lorsque vous vouliez jouer à un jeu de Mahjong ou tout ça, coquin, vous aviez droit à quelques images fixes ou images digitalisées qui étaient des dessins, des photos, plus ou moins bien encodées, plus ou moins dégueulasses. Et là, ce jeu apporte un nouveau niveau, la séquence vidéo avec des demoiselles réelles. Et donc, vous lancez le jeu, vous avez le choix parmi 12 demoiselles, il y en a pour tous les goûts, à condition que vous aimez les jeux japonaises, bien sûr. Ça, c'est... Et une fois que vous avez choisi la demoiselle, elle se met, habillée, à entamer une danse avec une musique absolument ridicule, qui vous restera gravée, promis, dans la tête pendant des siècles. Et le but du jeu, ça va être, au terme de cette danse chant ridicule, choisir entre, bah, comme son indique, pierre, papier ou ciseaux. Si vous avez du bol, vous allez gagner. Et si vous gagnez, la demoiselle enlèvera un vêtement. Et il faudra recommencer à nouveau. Il y a 5 étapes à gagner pour déshabiller totalement la demoiselle. Mais, genre totalement ou... Totalement, mais on est plus dans du M6 que dans du Canal+, si je me fais bien comprendre. Je n'ai pas compris. Voilà. Je suis sûr que tu as compris, pote. Ah, une femme nue, elle est nue, que ce soit sur M6 ou Canal+, hein. Oui, c'est juste. Mais voilà, on est plus dans du manuel que dans du Batman's Ultimate Workout. Ah, c'est du coquin, pas du pardon. Merci, ma chère assistante. Et donc, le seul problème avec ce jeu... Enfin, il y a deux problèmes avec ce jeu. Deux vrais problèmes. Le premier, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que vous perdez beaucoup plus souvent que ce que les statistiques voudraient bien. C'est-à-dire que pierre, papier, ciseaux, théoriquement, vous avez une chance sur trois de gagner, une chance sur trois de faire égalité. Et vous allez vous apercevoir que arrivez, passez la troisième, quatrième étape, vous avez 80% de chance de vous faire battre. Et du coup, quand tu te fais battre, tu dois toi enlever un vêtement? Ah oui, alors ça tu peux. Mais. Ah, il n'y avait pas Kinect à cette époque. Hein. Il ne peut pas vérifier voilà, que tu triches. Par contre, c'est vrai que la grosse blague donc, du jeu qui a sa statistique craquée à la fin et qui décide de te faire perdre plus facilement pour te faire recommencer depuis le début, qui entraîne le second inconvénient majeur de ce jeu, la petite danse accompagnée de la musique qui amène au choix de pierre, papier, ciseaux que vous allez vous retaper à chaque fois. Est-ce que c'est la même musique qu'Alex Kidd? Oui, c'est ça. Avec une Bernie Dailouze. C'est exactement. Alors je sais pas, il faudrait essayer d'arriver à trouver cette musique pour vous la donner parce que c'est. Non, parce que là je l'ai dans la tête et c'est nul. Bah, pourquoi faire une recherche après ça pourrit la VOD vu que. Et pas, si on l'a chanté? Non. Bah non. Quoi? Mais si. Ah, je vous promets, je peux tous vous muter d'un coup. Mais allez. D'un coup, mais... Hein. Mais quoi, là, je fais ça, plus, voilà, là, plus personne ne vous entend. Donc, le Armand. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au bout d'un moment, à force de tâtonner, je vais vous sauver, les gens. Il suffit d'appuyer sur les boutons X, Y et Z simultanément pour zapper la séquence. Ah. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai tâtonné un moment, parce que moi, je les regardais toujours, les séquences, à chaque fois, c'était long. Jusqu'au jour où je me suis appuyé sur tous les boutons de la manette en me disant « C'est pas possible, on peut zapper ce truc. » Et oui, on peut. Bref. Ah, le petit rire horrible. Mon fin. Oui. Et donc, sur le coup, vous allez me dire quel est l'intérêt de jouer à un jeu pierre-papier-ciseaux de striptease, sachant qu'en plus, l'ordinateur triche. Pas. Outre le fait... Putain. Le jeu est totalement unique quand même, parce qu'il n'y a pas, enfin moi je connais pas d'autres jeux qui auraient repris. On pourrait se dire ça aurait pu lancer la mode au Japon, il y aurait pu avoir des dizaines de jeux qui inondent le marché. Non, il est totalement unique dans son genre, vraiment, c'est un ovni ce jeu. Non, ils ont préféré faire des shoot 'em up avec des hommes nus. Ah oui, ils ont... Je vais partir de là, hein. Moi je dis ça. Shoaniki, ouais. Exactement. Ça marche. Non, Pulpi n'est pas désespéré à terre, Pulpi adore ce jeu. Non ? Non, bon, Pulpi connaît ce jeu, forcément. On n'a pas la réponse, mais on s'imagine que la réponse est non. Non, alors par contre, en termes de distraction, quand vous recevez des amis, c'est quand même top tier. Hein, parce que ça, alors le Virtual Boy, d'accord, personne n'a essayé tout ça, mais alors vous leur sortez ce jeu-là sur Saturn, les gens, ils y croient pas. Hein. Non, mais en même temps, que c'est. Tu leur sors une Saturne en même temps. Après. Voilà, des années après, ils te disent « Ah ouais, ce jeu-là, je me souviens, celui que c'était le but. » C'est un petit peu comme lorsque tu fais découvrir des gens qui ne connaissent pas les jeux vidéo, Katamari Damacy, quoi. N'oublie jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, faire une boule. Mais c'est quoi le but ? Tais-toi et avance. Et roule sur tout ce qui bouge. Et donc voilà, c'est vraiment. Non, mais c'est idiot, c'est-à-dire. Ouais. Je sais même pas pourquoi je voue un culte à ce jeu, parce que c'est même. Hein, c'est un petit peu. C'est vraiment. Il est absolument pas connu, il ne vaut pas extrêmement cher. On parle d'un jeu qui vaut 30-40 euros en version japonaise, hein, complet avec Spine Card en parfait état. Et qui n'est pas non plus spécialement difficile à trouver, mais en même temps, personne n'en veut. Hein, voilà. Comme beaucoup de jeux Saturn. Voilà. Mais finalement, de tous les jeux Saturn réservés entre guillemets aux adultes, qu'ils soient compréhensibles, parce qu'évidemment les visual novels avec des kilomètres de texte où on finit par te poser une question en disant quoi d'accord, je peux pas trop en parler. Il y a eu quelques petits jeux. Moi, j'avais essayé à l'époque des jeux où on nous demandait de refaire des puzzles ou même Des trucs de taquin aussi. Il y avait du taquin. Voilà, ça. Il y a pas mal. Même des jeux où il y avait juste des séances de photoshoot d'idol. Habillé et où tu disais bon ok c'est tout un je veux dire c'est toute une partie de choses qui fascinent les Européens, c'est vraiment des choses qui a jamais aucune chance qu'on voit en Europe, qui même la plupart des gens savent même pas en fait que ces jeux existent, comme un petit peu comme les jeux de drague qui arriveront jamais jusqu'à nous. On commence aujourd'hui donc à voir l'émergence de ce genre de choses avec des jeux donc comme Gal's Gun ou comme les Senran Kagura. Mais Senran Kagura qui arrive, ou Akibas Strip, j'ai vu des trucs comme ça. Mais ça reste, voilà, ça reste des jeux d'action avec un gameplay relativement aisé à comprendre. Là, on est vraiment dans les jeux ultra japonais, par des japonais, pour des japonais. Et si jamais vous avez l'occasion, voilà, c'est pas sacrifier un CD gravé. Maintenant, la Saturn aussi est quand même nettement mieux émulée, donc peut-être que l'émulateur, vu qu'il s'agit juste de lire des séquences vidéo, l'émulateur fera tourner ça sans souci. Malheureusement, il n'existe pas de version avec des vidéos de meilleure qualité avec la carte VCD. Ah non, c'est très bien compressé pour l'époque. Mais ça, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais. Cap Silver nous parle de jeux coquins avec des formes un peu comme Kicks. C'est les jeux dont tu parlais tout à l'heure. Là. Ah, Gal's Panic. Gal's Gun, ouais, comme les Gal's Gun, oui. Mais la version Gal's Gun, ça, tu les Gal's Gun sur Saturn. Tu parlais de, sur Saturn, ça existait. Oui, Gal's Panic, ouais. Gal's Panic, voilà. Gal's Panic, pardon, pas Gal's Gun. Voilà, oui. Gal's Panic, le problème des versions Saturn de Gal's Panic, c'est qu'elles sont nettement moins coquines que les versions arcade. Je le dis pour ceux qui ont essayé. Il y en a bien plus sur arcade. J'ai essayé une fois en arcade par curiosité. Il y a une version où t'as un troll en fait, et oui. Quand tu tombes sur le truc, ça, t'as une photo d'homme à la place. Oui, il y a quelques versions d'arcade aussi. Au lieu d'avoir de la photo coquine, ça se transforme en Pinehead de Hellraiser. Oui, voilà, si, oui. Si tu fais oui, des mauvaises oui, manipulations. Si voilà, oui. Sympa. Et ça, c'est génial par contre. C'est assez rigolo, ouais, j'avoue. On sent que, qu'il n'y a aucun droit d'auteur qui a été demandé à l'époque, que c'est fait de manière totalement débridée. Bah, c'était qui faisait ça, d'ailleurs ? Je crois que je me souviens. Caps panique. Ah, zut. Et c'était pour parler de ce petit jeu. Alors, il y a un milliard de jeux Saturn auxquels il faut jouer, à part celui-là, bien entendu. Ah, il y en a tellement. En même temps, la Saturn Kaneko. Est une console formidable. C'était Kaneko et certains jeux publiés par Taito. Voilà, pour Caps panique. Mais voilà, on me demande de parler de jeux qui ont marqué. Bah celui-là, il m'a marqué, à sa façon. Voilà. Ah, bah c'est cool, ah parce si que tu peux donner l'envie aux gens de jouer à la Saturne, c'est très bien. C'était un peu le but de cette chronique, c'était essayer d'éviter les jeux et connus de tous, même si on peut en parler, parce que c'est très bien, des fois, des jeux nous ont marqué, et bah, c'est comme bien. Ça. Mais essayer de sortir des trucs de derrière les fagots un peu sympa, je trouve ça cool. C'est pour ça que je vais faire cette chronique à la base, donc voilà. Bon, mais sur le coup, on est presque dans les temps pour conclure ce 23e podcast du collectionneur. L'idée, c'est que le prochain, normalement, on devrait essayer de mieux préparer les choses. On fait c'est ça l'idée, oui. Oui. Le prochain qui sera dans 2 semaines, du coup, tout le monde est là dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Normalement, si tout va bien, oui, bien sûr. Jeudi, mercredi. Normalement, je suis censé revenir du 29, mais je vous tiendrai au courant. Je vais essayer de revenir avant. Okay. Ouais. On va gérer. Alors, petit. Il reviendra. Oui, oui. De toute façon, vous inquiétez pas. De toute façon, le podcast du collectionneur, c'est un peu comme les cafards. C'est toujours le survivant. Ça, voilà. On va dire que ça se faufile là où ça peut et ça survivra toujours. Voilà. Ça te prend là partout comme ça. Ça fait des choses. Et je vous ai mis sur le chat le lien donc vers un extrait de gameplay de Yaku Ken Special avec dont t'inclus l'intro et le fameuse petite chanson qui se répète en boucle. Pour celles et ceux qui ont découvert le podcast ce soir, eh ben, il y a les anciens numéros aussi sur YouTube, ils y sont tous. Voilà. Et on a également un Discord pour ceux qui souhaiteraient prolonger l'expérience, échanger en direct live avec nous. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais non, toi ? J'essaie de faire un truc bien, tu te moques. Vas-y, fais mieux, vas-y. Allez, Pulpi. Ah, on t'attend, Pulpi. Ah, ça y est, elle est, elle est timide. Hein. Non, mais elle est... Attendez, je fais contrôle de supprime. Ah, ouais, elle est dans une boucle. Ouais, par contre, attention, si vous venez sur le Discord, bon, c'est très bien, il y a parfois des photos d'Yvette Horner qui... Je vous arrête tout de suite, monsieur, je ne suis pas responsable. Elles sont là, mais on ne sait pas pourquoi. Je vous préviens d'avance. Et comme je dis souvent, c'est pas moi, c'est Michel. Ouais. Voilà. Voilà, vous réglerez ça avec Boss Dick. Voilà. Sur le coup, messieurs, dames, nous aurons souhaité. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. Et à bientôt, on espère. Ah bah ouais. Des bisous tout le monde. À la prochaine. La bonne nuit. Et puis, bah, à la prochaine, voilà, le podcast, il reviendra peut-être dans 2 semaines, peut-être un petit peu plus tard, mais il reviendra. Puis, sinon, il y aura des trucs sur ma chaîne aussi. Hein. Vous pouvez rester. Belle pub. Allez, des bisous, je coupe le stream. Je vais faire une... Voilà, je fais une transition comme ça pour la VOD, ce sera plus simple. Et donc des bisous les gens, et dans 2 semaines, 3 semaines pour le podcast. Ou avant, sur les internets.